Michel Bouquet dans Pauvre Bitos ou Le dîner de tête de Jean Anouilh. Mise en scène, Bronislav Horowitz. Voici la salle. Ce sont les restes de l'ancien prieuré des Carmes. La société locale des Jacobins y tenait ses réunions en 92. En 93, on y a mis le tribunal révolutionnaire. Mes parents s'étaient fâchés avec l'oncle Anthelme pour une question de préséance à mon baptême. C'est un homme que je n'avais jamais vu. Un beau matin de l'hiver dernier, il meurt et me lègue cette vénérable baraque. Qu'est-ce que tu vas en faire ? La vendre. Je signe la semaine prochaine avec une grosse société pétrolière. Oui, mon cher. Un garage. Ultra-moderne. Tout au néon. Avec des pompes rutilantes comme des idoles. On va joyeusement couler du ciment là-dedans. Cela apprendra à mes ancêtres à s'être laissés guillotiner comme des moutons. J'ai horreur de ces histoires d'aristocrates qui montaient à l'échafaud en souriant de mépris. S'ils s'étaient tous barricadés ici et qu'ils y soient morts en se défendant comme des hommes, j'aurais conservé le bâtiment. Et je serais venu y déposer des petits bouquets à Datix. Je suis un sentimental. Mais puisqu'ils y ont bien poliment écouté leur sentence de mort, un garage. C'est dommage. C'était beau. C'est bien fait. Ça leur apprendra. Et d'ailleurs, avec le néon, ce sera encore plus beau. Seulement, comme les occasions de s'amuser sont rares en province, j'ai décidé, puisque je l'héritais, d'y pendre tout de même la crémaillère avant de vendre. Tu es gentil d'être arrivé à temps pour être de notre petite fête de ce soir. Un dîner de tête, il ne se fait plus. Ça va être sinistre. J'y compte bien. Oh, tu es rassurant. Autant que tu sois dans le secret tout de suite. Je suis en train d'ourdir une vaste machination pour prendre un petit jeune homme qui m'agace. Voilà le vrai motif de la fête de ce soir. Tu te souviens de Bitos, chez les pères ? Bitos ? C'est ce petit boursier cafard qui était toujours premier. Version latine, prix d'excellence, Bitos. Thème grec, prix d'excellence, Bitos. Mathématiques, prix d'excellence, Bitos. C'était la grande plaisanterie de fin d'année. Nous gueulions tous en cœur le résultat prévu d'avance. Désespérant les bons pères qui menaçaient chaque fois de nous jeter dehors. Ils s'en gardaient, bien entendu. Avec leur seul petit boursier, ces saints hommes n'auraient jamais couvert leurs frais. J'y suis. Celui qu'on appelait l'affreux Bitos. Qu'est-il devenu ? Substitut, mon cher. Un beau matin, après la libération, alors que nous l'avions tous oublié, il nous débarque substitut. C'était la vengeance, tu comprends ? Le coup de théâtre, le dénouement absolument inattendu, la croix de ma mère, tout. Il avait tant souffert de nos sinistres plaisanteries. Nous le lui avions assez fait sentir qu'il était le fils d'une blanchisseuse. La vengeance descendant du quart de Clermont-Ferrand. Et un jour de marché encore, au milieu des veaux, avec des gants de laine grise et une petite valise de curé bourrée de principes. Les grands jours d'Auvergne, quoi. Il fait du zèle. C'est peu dire. Il se croit Robespierre. La justice immanente est en marche, et c'est lui. La rigueur et la vertu du peuple sont dans nos murs. Notre petite ville pourrie n'a qu'à bien se tenir. Il se promène avec son fer rouge dans la serviette façon veau qu'il ne quitte jamais. Il nous marquera tous. Nous n'y couperons pas. Et on le reçoit ? Célibataire. Et un bel avenir de magistrat. Il faut excuser la petite bourgeoisie. Elle a des filles. Et les autres ? C'est devenu une mode de l'attirer chez soi pour le faire pérorer. Chez nos femmes particulièrement, un des curieux effets de la ménopause a toujours été le snobisme des parties avancées. Ma tante Louise ne jure que par lui. La duchesse? Mais tu tombes de la lune, mon bon. Tante Louise fait partie de toutes sortes de mouvements progressistes. Elle a toujours un appel pour quelque chose à vous faire signer dans son réticule. Avant, c'était les petits chinois. Elle a trouvé une autre façon d'être à Semantes, c'est tout. Naturellement, je ne l'ai pas invitée. Ce soir, il fallait que tout le monde joue le jeu. Quel jeu? J'y arrive. Tu as vu mon jabot? Ma perruque? Mm-hmm. Ai-je l'air assez fatal? Je me suis fait la tête de Saint-Just. Le plus drôle est qu'il paraît que c'est ressemblant. Ce soir, nous sommes en 93. Tous nos amis se sont fait des têtes d'époque et chacun a étudié son personnage. Et attention, défense de parler d'autre chose. Il faut être très documenté sur la question. Un malheureux comme Julien, qui n'avait jamais pu réussir la première partie de son bachot, pioche son Isaac et Malet depuis 15 jours. Je l'ai fait réciter hier soir. Il est imbattable sur les lois de Prairial. Ah, si cet imbécile s'était donné à l'époque la moitié du mal qu'il vient de se donner pour mon petit canular, il aurait été reçu à Saint-Cyr. Et son pauvre père n'en serait pas mort de douleur. Ah, comme c'est curieux, la vie. Dis-moi, on va s'ennuyer à périr à ta petite fête historique? Ah, non. Parce que la course comporte une mise à mort, ce qui est toujours distrayant. J'ai persuadé Bitos de se faire la tête de Robespierre. Et ce choix m'a amené à lui réserver une autre surprise que je garde pour le dessert. Patience, mon petit Philippe. Tu ne regretteras pas d'en avoir été. Tu sais que j'ai toujours été sec en histoire. Je ne sais pas si je suis bien qualifié au pied levé. Mon cher, je t'ai gardé Louis XVI. Mm-hmm. Tu as le profil. Et c'est un rôle quasiment muet dans cette troupe de grands bavards. Au moment de ta mort, quand tu vas enfin parler, un roulement de tambour providentiel couvre ta voix. En somme, tu n'as qu'une réplique. C'est une révolte? Non, sire, c'est une révolution. Tu te rappelleras. Tiens, j'ai organisé une sorte de loge avec des phares et un choix de perruque. Nous allons te peinturlurer. Et tu crois que le fait de faire parler Bitos déguisé en Robespierre suffira à égayer ta petite surprise party? C'est un garçon, j'en ai fait l'expérience, qui ne tient pas l'alcool. Et c'est un bien grand mot, et je déteste les grands mots, mais c'est un fait, je le hais. Il ne sortira pas vivant de ce que tu appelles ma petite surprise party. Pas vivant. Ah, voilà Charles, que tu connais, Philippe. Ah, mais tu ne le reconnais peut-être pas. Monsieur le baron. Il s'est fait lui aussi, tu vois, une tête d'époque. Laissons-le achever de mettre le couvert. Nos amis seront là dans 5 minutes. Je leur ai demandé à tous d'être là avant le cobaye. Et si le cobaye se méfiait de quelque chose et ne venait pas? Oh, cette race d'homme est beaucoup trop sûre d'elle-même pour se méfier jamais de rien. Je l'ai convoqué pour 9h. À 9h moins 1, car cette race d'homme est toujours en avance, il sera là. Chef-d'œuvre, mais elle ne tiendra certainement pas sur ma tête jusqu'au dessert. Détail sans importance, ma bonne, votre rôle est relativement court, on vous la coupe avant. Oh, Maxime a des inventions impossibles. Quelle idée d'inviter les gens à dîner dans une cave. Je me suis rarement ennuyé. À une fête organisée par Maxime, il a un sens du théâtre étonnant. Oh, mais ma parole, Charles en est. Une fantaisie de monsieur Maxime, mesdames. Il m'a dit que je pourrais être utile le moment venu. J'ai peur que ce que veut nous faire faire Maxime ne soit ni très charitable ni très joli. Mon amour, ce soir nous sommes là pour rire. La charité ce sera pour demain matin en sortant de la grand-messe. Je vous promets de vider mes poches aux 4 fripouilles que je vois sur le parvis à la même place depuis 20 ans. Mais pour ce soir, laissons la charité dormir. C'est une déesse qui a besoin de sommeil de temps en temps. Excusez-moi, la porte est entrouverte. Pour la conspiration, c'est bien ici. Oui. Marie-Antoinette, si mes souvenirs sont exacts. Le comte de Mirabeau. Merci, Majesté. Oh, je craignais qu'on doute. C'est pourquoi j'ai été très généreux sur les marques de petites véroles. Vous avez ça? J'en ai vu partout. Comme il faut se donner du mal pour s'amuser. Et dire qu'il y a des gens qui nous prennent pour des oisifs. Bonsoir, Amanda. Bonsoir. Oh, Dieu, qu'elle est jolie. En quoi est-elle au juste, hein? Teresa Gabarus, dite Notre-Dame de Thermidor, ci-devant marquise de Fontenay, qui a épousé le conventionnel Talien à Bordeaux, avant de finir à Bruxelles, princesse de Caramanchimère. Il paraît qu'ils ont tué Robespierre avec une sonnette. Évident d'assassin, je te demande la parole. Drôline, drôline, drôline. Il me tarde d'entendre le petit Bitos nous crier cela. La merveilleuse, la petite vérole, Vulturne. Ma parole, on l'attraperait. Non, franchement, vous croyez que je ressemble à Danton? J'ai l'impression qu'il n'avait pas du tout cette tête-là. Maxime m'a choisi pour ce rôle uniquement parce que j'ai passé ma jeunesse à botter le derrière de Bitos aux récréations. Il m'a dit que ce souvenir aiderait beaucoup à créer l'atmosphère. Bonsoir. Bonsoir. Tout le musée Grévin est là. Quoi êtes-vous, Brassac? On voit très bien en plume que vous êtes en quelque chose, mais ce n'est pas très frappant. En taille. Ah, oui. Rôle excellent pour un dîner de tête. Personne ne connaît au juste son visage. Oui, les pourris, les vendus, c'est moi, ma chère. Oh. Au milieu de ce troupeau de grands idéalistes. Quel vilain rôle! Vous n'avez pas honte? Non, car vous leur devez tous une fière chandelle aux vendus. C'est eux qui se décidèrent à mettre un terme à la terreur et à culbuter Robespierre. Ils furent les premiers surpris d'apprendre, en sortant de l'Assemblée aux acclamations du peuple, qu'ils venaient de sauver la France. Rassurez-vous, le premier instant de surprise passé, ils reprirent immédiatement leurs transactions. Ah, parce qu'on faisait fortune pendant la Révolution. Oh. Mais je croyais qu'on avait tout donné au peuple. Oh, quel gentil, la petite Amanda. Elle en était encore aux histoires en images. Mais mon petit oiseau, on n'a jamais fait tant fortune que du jour où on s'est mis à s'occuper du peuple. C'est devenu une véritable industrie. Bitos va être hors de lui de vous voir là. J'y compte bien. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait accepté de dîner avec le capital. Enfin, nous étions au même collège. Et c'est lui qui s'est révélé un ambitieux. Je me suis contenté de reprendre les nombreuses usines de papa. Lui n'a pas daigné continuer le fond de blanchisserie de sa mère, il s'est fait substitut. Pour faire la lessive en plus grand. Et vous savez la dernière histoire de Bitos? Celle de l'appartement qu'il a fait réquisitionner pour sa sœur, le même jour qu'il demandait la tête du locataire pour fait de collaboration. Oh, c'était magnifique. On ne savait plus s'il plaidait pour avoir la tête ou l'appartement. Non, non, non. Non, celle de l'ami d'enfance qu'il a fait condamner dans un sursaut de vertu. Alors, j'en sais les détails par l'avocat qui plaidait contre lui dans cette affaire et qui est un de ses amis. Bitos avait obtenu la tête d'un petit milicien arrêté assez longtemps après la libération. Il se trouvait que ce garçon avait été au catéchisme avec lui et qu'ils avaient continué à sympathiser et à se voir jusqu'à la guerre. Mmh. Oubli, remise, hésitation, paperasserie, que sais-je, toujours est-il que notre régime humanitaire a gardé ce garçon dans la cellule des condamnés à mort, les fers aux jambes, pendant 3 ans. À guetter le petit matin. La semaine dernière, on y repense et on se décide tout de même à l'exécuter. Sans plus de raison, d'ailleurs. Visite de la femme du malheureux en larmes, accompagnée de sa petite fille. Bitos, de plus en plus romain, souffre avec elle. Et sincèrement, je le crois, mais ne cède pas. D'ailleurs, il n'y pouvait plus rien. Il est, bien entendu, du petit voyage matinal pour voir trouver la peau de son petit communiant. L'autre, qui ne sait plus où il en est depuis le temps, demande à serrer la main de Bitos avant de se mettre devant le poteau. Pardon réciproque. On lui laisse crier bien gentiment « Vive la France !» et « Feu !» lui-même. On lui devait bien ça. Et quoique la politique ait entre-temps sérieusement évolué dans le sens des idées du petit milicien, on lui troue bien proprement le ventre et les poumons avec une bonne décennie de retard. Bitos est tout pâle. Le coup de grâce tiré, il prend sa montre et dit simplement « Nous avons respecté l'horaire. » Un chef de gare. Le soir, Bitos envoie une poupée à la petite du milicien, une poupée très chère. C'est là que c'est beau. Bitos est pauvre. Plus de la moitié de son mois de magistrat. Une poupée qui ferme les yeux, qui dit papa et maman, fait pipi. Et c'est d'ailleurs une poupée allemande, car si on exécute encore, le commerce, lui, a repris. Décidément, mon petit Julien, vous avez juré de nous couper l'appétit. Comment voulez-vous que nous dînions avec Bitos après ce que vous venez de nous raconter? Oh, ma chère, s'il fallait avoir de l'estime pour tous les gens avec qui on dîne, il n'y aurait plus de réunion mondaine possible. D'ailleurs, Bitos n'est pas un assassin, c'est un magistrat. Il ne fait en principe que son devoir. Je vous demande pardon. La porte était entrouverte. Décidément, la composition de ce dîner nous réserve des surprises. Qui est-ce? Je connais pas. Permettez-moi de me présenter. Marcel Deschamps. J'ai été invité ce soir par Monsieur Maxime de Jaucourt. Excusez Maxime, monsieur. Les préparatifs de cette petite fête le retiennent vraisemblablement dans les coulisses. Nous ne l'avons pas encore vu. Brassac. Je vais vous nommer à nos amis, Monsieur Deschamps, la comtesse de Preuil, Mademoiselle Amanda Forest, Julien Dubief. Monsieur. Verdreuil. Vous êtes Monsieur le comte de Verdreuil? Oui. Alors, monsieur, je ne suis pas tout à fait inconnu de vous. Je suis l'instituteur de l'école communale de Bréville. Vraiment? Ah, je suis enchanté de vous connaître. Vous avez les deux garçons de mon garde chez vous. Leur père m'a dit que depuis que vous étiez là, il ne les reconnaissait plus. C'est sans doute pour ça qu'il ne les rosse plus tous les soirs en hurlant dans la cuisine à l'heure des devoirs. Ce sont de bons garçons qui se sont mis à travailler sérieusement. Suffisait de savoir les prendre. Eh ben, je vois que vous avez su. Vous êtes un ami de Maxime? Oh, je n'avais pas l'honneur de connaître Monsieur de Jaucourt. Il est venu me trouver il y a 15 jours et il m'a dit qu'il souhaitait m'inviter à cette petite fête. Peut-être parce qu'il supposait que je sais un peu l'histoire. Il m'a demandé de me faire la tête de Camille Desmoulins. Ah, j'ai fait de mon mieux. Ce dîner est de plus en plus mystérieux. Je le retiens, votre Maxime. Il a dû inviter mon concierge. Vous croyez que s'il a eu besoin de lui pour un rôle, il l'a fait. Rien de ce qui vous étonnera ce soir n'est laissé au hasard. Maxime est un homme de ténèbres. Ah, vous êtes tous là! Comment m'excuser? Je manque à tous mes devoirs, mais j'étais en train de grimer notre gros Philippe qui vient de me tomber dessus en Louis XVI. Monsieur Deschamps, on vous a présenté? Je me suis présenté moi-même, monsieur. Vous savez que c'est là votre instituteur de Bréville, Verdreuil. Oui, il m'a dit ça. Monsieur Deschamps, vous avez beaucoup connu André Bitos, je crois. Beaucoup, oui. Surtout quand j'étais enfant. Je tiens à vous dire tout de suite qu'il va être des nôtres ce soir. Y voyez-vous un inconvénient? Non, non. Mais je ne pense pas qu'André Bitos soit très heureux de me revoir. Je ne le pense pas non plus. Mais je ne vous cacherai pas que c'est surtout pour cette raison que je vous ai invité. Rire aux dépens de Bitos, c'est même arriver à le bousculer un peu, si c'est possible. Voilà notre propos de ce soir. Êtes-vous des nôtres? Pourquoi pas, monsieur? André Bitos a choisi de se faire la tête de Robespierre, et je vous ai demandé de vous faire la tête de Camille Desmoulins. Étant donné ce qui s'est passé entre vous, et qui reste secret, rassurez-vous. Et voyez-vous quelque chose qui vous gêne dans ce rapprochement? Et dans ce cas, il serait préférable de me le dire tout de suite. Je ne veux pas vous entraîner à votre insu dans un guet-apens historique. Je ne vois pas ce qui pourrait me gêner, monsieur. Au contraire. Je suis ravi de l'occasion que vous me donnez de redire à André Bitos, sous le masque de Camille, ce que je pense de lui. Sous le masque de Camille. Ah, je vois que nous nous sommes compris. Ah, je vous demande de prendre vos rôles au sérieux, n'est-ce pas, et de ne contrer Bitos qu'avec des arguments historiques. Surtout pas d'allusions personnelles. Elle gâcherait tout. C'est précisément du point de vue historique que je me demande si nous allons être à la hauteur. Oh, rassure-toi, ce qui va bien nous faciliter les choses, c'est que ces gens-là vont surtout parler. Quand on vous coupait la parole, on vous coupait également la tête. Et comment croyez-vous qu'on ait tué Robespierre? En faisant assez de bruit pour couvrir sa voix. Vive la démocratie qui vous a donné le verre. Mais au fait, tu l'as, la sonnette? Tu penses, l'arme du crime. Elle est là. Sur la table. Et le battant tient bon, je l'ai vérifié. Monsieur? Oh, ce n'est rien, ça. Un essai. Pardon. Mais j'ai mieux encore. Maintenant, je peux vous le confier. Le clou de la soirée, le deus ex machina, sans lequel nous ne pourrions pas mener à bien la pièce. Le gendarme merda. L'angélique petit gendarme merda qui n'a rien compris à l'histoire, qui a été tout droit à l'hôtel de ville avec trois hommes, au milieu de 150 conjurés, qui a demandé bien poliment lequel était Robespierre, et qui lui a tout simplement tiré dessus. C'était bête comme tout, mais il fallait y penser. Mais c'est vrai, j'ai appris ça aussi hier soir. Oh, c'est passionnant comme une série noire. Qui fera merda ? Un très beau jeune homme, mon ange, qui n'arrivera qu'au moment du dessert. Qui est-ce ? Nous le connaissons ? Oh, je ne crois pas. Mais pourquoi ne vient-il pas plus tôt ? Il était pris ce soir ? Non, le pauvre, c'est un garçon qui est très peu invité depuis quelque temps. Mais j'ai pensé que sa présence au début du dîner risquait d'envenimer un peu prématurément les choses. Parce que tu comptes réellement envenimer les choses? Oui, sur la fin, oui. Je voudrais hausser un peu le ton de la farce. Rappelez-vous l'entrée de l'exempt au dernier acte de Tartuffe. Ce n'est pas la meilleure scène de la pièce. Elle est même franchement mauvaise, mais c'est toujours celle qui m'a fait le plus plaisir. Eh bien, c'est drôle, c'est toujours à cette scène que moi je perds tout plaisir au Tartuffe. Cette minute où, au théâtre ou dans la vie, où la lumière change, où on se met à avoir pitié du traître et où les honnêtes gens ne sont plus qu'une meute assez ignoble autour de lui. Ah, Vulturne, il est encore temps pour vous de renoncer à ce dîner si vous craignez de pleurer sur le sort de Bitos. Non, après tout, c'était qu'une farce et Bitos est un homme médiocre. Et je crois que Dieu pardonnera à tout le monde... Sauf aux médiocres. Ne soyons donc pas plus indulgents que Dieu, mon bon Vulturne. Charles, on frappe. Pourvu que ce soit Victoire. J'ai absolument besoin qu'elle soit là avant lui. Nous ne pouvons rien faire sans une Lucille des Moulins. Sauvée, c'est elle. Bonsoir. Pardonnez-moi d'être la dernière. Je vais vous demander de m'excuser tous. Il faut absolument que je dise un mot à Maxime. Qu'est-ce qui se passe ? Maxime, je ne peux pas rester ce soir. Oh, vous n'allez pas me gâcher ma fête, ma petite Victoire. J'ai absolument besoin de vous. Maxime, il s'est passé une chose incroyable. Mon père m'en a seulement parlé au moment où j'allais partir. Bitos lui a rendu visite cet après-midi et lui a demandé ma main. Splendide ! Ça, c'est splendide ! Ah, je me doutais bien que ce garçon vous faisait vaguement la course et pourquoi je vous ai demandé de vous mettre en Lucille des Moulins, mais je ne me doutais pas que j'avais mis dans le mille. Je suis voyante ! Je ne sais pas ce qui a pu germer dans la tête de ce garçon. Je l'ai vu quatre fois à la maison, les quatre fois où mon père, en tant que président du tribunal, a dû recevoir les membres du parquet. Il était chez moi, je lui ai parlé gentiment, comme à tout le monde, mais qu'il ait pu croire un instant que je l'avais seulement remarqué. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Vous connaissez mon père. Il lui a bondi dessus, toute barbe en avant, ça a dû être un carnage. Et il lui a opposé un refus très brutal, sans même accepter de m'en parler. Oh, merveilleux, merveilleux. Cela atteint le sublime. Ma petite Victoire, ce que vous m'apprenez est tout simplement inespéré. Maxime, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Vous sentez bien qu'après ce qui s'est passé cet après-midi, je ne peux pas me prêter au jeu de ce soir. Ce serait trop cruel. D'abord, ma petite fille, on n'est jamais trop cruel avec les imbéciles. Et puis, à moi, il me faut une Lucille des Moulins où tout est raté. Je ne sors pas de là. Mais si au moins c'était moi qui lui avais dit non. Mais mon père a été très dur. Ce garçon doit croire à je ne sais quelle brimade sociale. Il doit crever de honte et de dépit. Mais écoutez, qu'il crève de ce qu'il voudra, mais que ma fête ait lieu. Ma petite Victoire, faut-il que je me mette à genoux ? Vous qui êtes la bonté même. Justement, je ne peux pas. Soyez la bonté même pour moi et pas pour lui, voilà tout. Ah, d'ailleurs, il est trop tard. Cette fois, c'est lui. Et vous ne pouvez pas partir, il n'y a qu'une porte. Charles, allez ouvrir. Rajustez votre petit bonnet et soyez sans remords, Lucine de Moulin. Mes enfants, en scène pour le 1. Julien, oui. C'est ton rôle. Okay. Les lois de Prairial. Les lois 22 Prairial 94, renforcement des pouvoirs du tribunal révolutionnaire. Ah, bravo, oh, 19. Qu'est-ce qui se passe avec Victoire ? Rien, un petit contretemps qui est une véritable bénédiction. Ah. Au début, oui. Je vous en prie, laissez seulement aller. Mm-hmm. Et puis, dès qu'il aura un peu bu, poussez la discussion. Mm. Il s'en fera tout seul. Prenons nos verres. S'il vous plaît, n'ayons pas l'air de l'attendre. Pardon, mesdames. Ah, mon cher Bitos, vous êtes le dernier. Mais quel est ce costume? Comment? Mais c'est une mauvaise plaisanterie. Vous êtes tous en smoking? Et vous m'aviez dit que c'était déguisé. Un dîner de tête. Vous m'avez mal compris, Vitos. Ou peut-être n'étiez-vous pas au courant de l'usage. Un dîner de tête. Ça n'a rien à voir avec un bal costumé. On ne se fait que la tête, voyons. Je m'excuse. Je suis ridicule. Mais allez me changer. Ah, n'en faites rien. Vous nous feriez dîner à une heure impossible. Restez comme ça. Nous croirons d'autant plus à votre personnage. Et d'ailleurs, l'azur vous va à ravir. Je suis certain que ces dames seront enchantées de vous avoir en bleu. Oui, oui, merci. Attention, mes amis. À partir de cet instant, le jeu commence. N'oublions pas que nous ne sommes plus nous. Vous connaissez presque tout le monde, hein? Permettez que je vous présente. C'est très gentil, c'est peut-être que l'on se fait le mieux possible, mais ça peut tout de même prêter à confusion. Sa Majesté, notre reine. La belle Madame Tallien, une jeune femme tendre et pure que vous avez beaucoup aimée, je crois, Lucille Desmoulins. Le comte de Mirabeau, vos bons amis Danton et Camille. Tallien, que je crois que vous n'aimiez pas. J'ai demandé à Brassac, il nous fallait quelqu'un de vraiment riche, n'est-ce pas? Est-ce que j'en oublie? Ah oui, bien sûr. On l'oublie toujours, le pauvre, et on l'empêche toujours de parler. Messieurs, le roi. Je ne sais pas si c'est très ressemblant. En tout cas, j'ai mis de la poudre sur ma tête tant que j'ai pu. On va te la couper si vite. Saluez, Vitos. Et poliment. Quels que soient vos sentiments actuels, n'oubliez pas qu'en 92, vous étiez encore monarchiste. Monarchiste, même après la mort du roi, il me semble qu'il l'a voté pourtant. Ah, plus pour les Bourbons, bien sûr, mais pour lui-même. Il paraît que c'est pour cela que la droite, comme l'étranger, comme les prêtres, a toujours gardé une sorte de considération pour Robespierre. Elle sentait en lui un homme de gouvernement. C'est curieux, n'est-ce pas, cette nostalgie française de la poigne? Robespierre, au fond, pour eux, c'était encore l'ordre. Cette prétendue complicité avec la droite et les prêtres, que certains historiens se sont plus, je ne sais pourquoi, insinués, c'est un point qui demande à être discuté. Mon bon, nous sommes là pour ça. Passons à table. Chacun a son petit carton. Deschamps, je suis heureux de te voir après si longtemps, mais j'avoue que c'est une surprise. Je ne me doutais certes pas que tu étais des amis de Monsieur Jocourt. Monsieur Deschamps est instituteur à l'école communale de Bréville. C'est Monsieur de Verbreuil qui m'a demandé de l'emmener. Et comme j'ai appris par hasard que vous aviez été amis autrefois, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. On est toujours content de rencontrer un ancien camarade. C'est d'ailleurs la raison de ma présence ici ce soir, mon cher Maxime. Et mes idées démocratiques se trouvent en quelque sorte comblées de voir réunis en un même banquet les anciens élèves de chez les pères et ceux de la communale. Tu es toujours instituteur? Bien sûr. Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté depuis que j'ai été nommé ici? Tu tiens absolument à ce que je te le redise? Asseyez-vous, je vous en prie, Vitos. Votre consommé va refroidir. Et n'oubliez pas qu'à partir de cet instant, vous êtes Robespierre. Il y a un couvert vide. Oui, un ami qui viendra plus tard. Charles, vous le voyez, est lui-même d'époque. Et je vous ai fait reconstituer un repas de ce temps. Je veux dire, avant que vous ayez eu vos premiers ennuis avec les commerçants, mon cher. Avant les lois du maximum. Ce qui explique que ce soir, j'espère que vous mangerez bien. Et un peu trop. Je ne crois pas que les conventionnels, les purs, attachaient beaucoup d'importance à ces choses. Et puis les temps, ne l'oubliez pas, étaient affreusement durs. Oh mon bon, au milieu des pires catastrophes, les Français n'ont jamais cessé de penser à bien manger. Enfin, ceux qui en avaient les moyens. J'ai lu quelque part qu'il y avait à l'époque un marché noir fort bien organisé. Il a toujours été, hélas, pratiquement impossible, quelles que soient les rigueurs des lois, d'obtenir des riches qu'ils ne corrompissent pas tout avec leur argent. Je ne dis pas que Des jouisseurs comme les Danton, les Taliens... Doucement, mon petit Max, tu ne m'as pas encore guillotiné. Profites-en pour te servir. Quand tu seras mort, tout sera froid. Mais Robespierre, lui, j'en suis sûr, ne participait jamais à ces fêtes. Toujours plus ou moins clandestines. Il rompait le pain d'un pauvre menuisier à la table familiale. Bien sûr. Mais encore, ce pauvre menuisier avait-il une cousine à la campagne qui lui faisait passer un morceau de lard de temps en temps. Hein? Un copain employé aux écritures de l'ancienne compagnie des Indes qui puisait quelquefois dans les stocks de café. Prenez donc sans remords un peu de cette ballotine, mon cher ami. Je ne dis pas qu'à l'occasion d'une fête familiale, les plus purs, même de ce temps-là, ne se laissaient pas aller à obtenir plutôt par complaisance, comme vous dites, et par amitié que pour de l'argent, certaines douceurs. Il faut avouer que c'est humain. Mais je suis persuadé que Robespierre, dans sa volonté d'être incorruptible, ne partageait pas ce soir-là leurs agapes. Et il leur disait, non, pas pour moi, je suis incorruptible. Je ne prendrai pas de gigot. Des haricots seulement. Ne vous moquez pas, petite madame. Je veux dire que j'imagine que ces bonnes gens, leur jour de faiblesse, se cachaient de lui. Oh, comme c'est vilain! Vous croyez qu'ils attendaient qu'il soit remonté dans sa chambre tout seul, avec son petit bol de bouillon? Et on criait aux enfants, crape pas les os, nom de Dieu! Il y a Robespierre qui va t'entendre! J'ai une façon bien à vous, mon cher, d'imaginer l'histoire. D'abord, ne m'appelle pas mon cher, mais citoyen. Et n'oublie pas que tu me disais tu. Car tous ces hommes qui se sont livrés mutuellement au bourreau se tapaient sur l'épaule et se tutoyaient. Tu disais-tu à Danton et à Camille, avec qui tu dînais la veille même de demander leur tête à l'Assemblée? Tu me disais-tu à moi, celui que tu devais haïr le plus? Une grande équipe de camarades, oui, mais qui n'hésitaient pas à se sacrifier en cours de route, les uns et les autres, pour que la ligne tracée en commun dans leur amour du peuple reste droite. Je m'étonne que vous ne sentiez pas ce qu'il y avait là de grand, Brassac. Monsieur Robespierre, pensez-vous que le peuple sentait la grandeur de leurs sacrifices et les payait de retour? Ce n'est pas toujours ceux qui le mènent sur la route dure de son bonheur qu'aime le peuple. Ah, je crois percevoir un peu d'amertume dans votre propos. Vous aviez senti que le peuple ne vous aimait pas. Il me craignait. C'était assez puisque je travaillais pour lui. Je vivais chez lui. Je partageais son inconfort et sa misère. À part cet habit bleu, mon unique coquetterie, je haïssais le laisser-aller, je haïssais le désordre et la crasse. C'est vrai, je vivais comme lui. Tartuffe, tu te faisais dorloter par les femmes du plein. Qui a crié Tartuffe? Ton ami Danton, Danton la grande gueule. Tiens, attends que j'avale. Ah, j'en ai plein la bouche de la ballotine de l'ami italien. Car moi, j'aimais manger, j'aimais l'amour, j'aimais la vie. Et c'est pour ça que tu m'as fait tuer, Tartuffe. Tu croyais haïr le laisser-aller, le désordre, la crasse, c'est le peuple que tu haïssais. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il te faisait peur. Le peuple te faisait peur, comme les femmes, d'où ta vertu, comme la vie. Tu nous as tous tués parce que tu ne savais pas vivre. Ils nous ont coûté cher, tes complexes. Des complexes, en 93. Mais ne fais pas l'imbécile, il y en avait déjà. Tu étais un curé, Robespierre, voilà la vérité. Un sale petit curé d'Arras, tout étriqué. Un sale petit pisse-froid. Il me semble que vous dépassez la mesure maintenant, mon cher. Mon cher Bitos, le jeu est peut-être un peu amer, mais jouons-le sportivement. Je suis sûr que de votre côté, vous ne deviez pas être beaucoup plus indulgent pour Danton. Danton était un porc! Vautré chaque nuit chez les filles, il arrivait au Jacobin le matin débraillé, puis le parfum, bon marché et le vin. Et il fallait discuter de la révolution avec ça. La révolution à moi sentait fort. Je le regrette pour tes chères petites narines. Quand elle a été chercher le roi en octobre, tu crois que cela ne puait pas la sueur de femme et le vin sur la route de Versailles? Danton a aimé les meutes. Il n'a pas aimé la révolution. Redonnez-moi à boire ou je fais un malheur. Un malheur qui ne serait même pas historique. et dire que je suis obligé de me laisser guillotiner le premier. Ton élan, ton audace, ton lyrisme, disons le mot, ta gueule ont été utiles en leur temps. Un jour, il a fallu que la révolution sorte enfin de l'émeute et du sentimentalisme, qu'elle sorte enfin de son enfance. Ce jour-là, Danton a été trop. Tu aurais dû te taire et le comprendre. Juré assassin, vous m'écouterez. Personne ne pourra me faire taire. On entendra ma voix jusqu'aux rives de la Seine. La révolution, c'est ma sœur et ma bonne amie. Je la connais, moi. J'ai couché avec elle. Des phrases. Des cris. Des vrais cris d'hommes qui nous sont sortis du ventre, à Camille et à moi. Des cris d'innocence qui entreront à jamais la mémoire des hommes. Je n'ai rien entendu. Sourd, en plus. C'est pas assez d'être myope, tu étais sourd. Raide et maladroit. Tes mains aux doigts serrés au bout de tes bras raides, tu allais te heurtant aux portes, renversant les chaises sur ton passage, écrasant les pieds. Et trop mal à l'aise pour t'excuser. Une sèche petite mécanique sans grâce, un automate remonté. Des lèvres minces qui n'avaient jamais souri, jamais embrassé personne. Des mains aux ongles rongés. Qui n'avait jamais rien touché. De gros yeux qui ne voyaient rien. Moi, sans la révolution, j'aurais pu être Charon ou maréchal Ferrand. J'aurais pu faire quelque chose d'honnête d'un fer rouge avec un marteau. Camille aurait pu jouer au clavecin ou peindre. Saint-Just savait du moins maîtriser un cheval difficile ou faire des armes. Ce pauvre homme de Louis XVI lui-même n'était pas mauvais serrurier. Si on l'avait expédié en Amérique, comme il en était question un moment, il aurait peut-être pu gagner sa vie et celle de sa famille là-bas, comme un autre. Toi, tu ne savais rien faire de tes mains. Tu ne savais que parler. Un vilain petit avocat. Tu te rappelles ce que j'ai dit de toi au procès? Ce bougre-là n'est même pas capable de faire cuire un œuf. Des mots. Tu es mort en faisant des mots, comme un cabotin. Moi, au moins, je suis mort silencieux. C'est parce qu'on t'avait cassé la mâchoire. Sans quoi tu aurais parlé comme les autres. On parle toujours. Cela a dû être passionnant, le procès de Danton. Mon Dieu, madame. Un procès? Oh, passionnant, ma chère, passionnant. Un rôle de composition puissant et pittoresque. Une vedette aimée du grand public et sensation rare. Perdue depuis les Romains au théâtre, qu'on allait tuer vraiment. Un jeune premier élégiaque et beau comme un dieu dont on savait la jeune femme mourante d'amour. Une grande première, quoi. L'ignoble Paris a toujours adoré les procès politiques. Toutes les dames avaient voulu des cartes. La salle était presque aussi brillante qu'au procès du roi. Évidemment, le local du tribunal révolutionnaire se prêtait moins à l'atmosphère de grand gala qu'avait pris le procès de Louis XVI en pleine assemblée, avec toutes les femmes à la mode, s'éventant et mangeant des sorbets dans les loges, et les huissiers qui s'étaient galamment transformés en ouvreuses. Oh. Pour le procès de Danton, il faut bien le dire, on s'était moins habillé. D'abord, ça n'était plus de bon ton en 93. Beaucoup de têtes amies avaient été coupées depuis. La mode était aux petites robes toutes simples, un léger demi-deuil. Cela avait plutôt un côté spectacle d'avant-garde pour connaisseurs. Le problème passionnant pour les initiés était de savoir comment on empêcherait Danton de parler. Et comment y est-on parvenu? Ah, en faisant voter, dès le second jour, la mise hors des débats des accusés, sous le prétexte qu'ils insultaient le tribunal. C'était rien. Ah oui. Mais il fallait y penser, c'était génial. Ce tour de passe-passe permit de les condamner à mort sans les entendre. De siècle en siècle, la justice française, par ailleurs assez retardataire, il y a des petites inventions de détail comme celle-là pour sortir des pas difficiles, des tours de main de cuisinier qui lui permettent de sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire de servir le régime, quel qu'il soit. Maxime, je crains qu'on abuse maintenant. Je suis sous votre toit et en qualité de magistrat, je ne permettrai pas... Nirez-vous que c'est ainsi que le pauvre Danton fut proprement escamoté. Escamoté? Je sais, monsieur de Verdreuil, que vous n'êtes pas démocrate, mais il y avait eu un vote régulier. Donc la mort de Danton était une décision de la France. Ce qu'on arrive à lui faire dire à la France avec 12 voix de majorité. Ah, un vote est un vote. Hélas. Ce vote, mon cher Robespierre, tu ne peux l'obtenir que de nous. C'est en t'appuyant sur la droite que tu as eu la tête de Danton. Toi, tu ne pensais qu'à ta haine. Et nous, nous pensions un de moins. En somme, chacun faisait ses affaires. Je m'inscris en faux contre cette calomnie. Robespierre n'a jamais eu de collusion avec la droite. Comment se serait-il fait ses majorités chaque fois qu'il décimait la montagne? Tu penses bien qu'il la connaissait, la cuisine, l'incorruptible. Le neuf thermidor, quand il s'est senti perdu, il s'est tourné vers nous et il nous a crié « Homme pur, c'est à vous que je m'adresse. » Homme pur, à nous. Fallait-il qu'il se sente mal? Mais c'est faux, c'est faux! Tout ce que vous avancez est faux, vous interprétez l'histoire! C'est dans Isaac et Malais. J'ai appris tout cela à l'école à 12 ans. Avec toi. Passez-lui le petit livre, qu'il vérifie, tout y est. Mes amis, nous allons beaucoup trop vite. Si nous continuons de ce train, nous en serons aux 18 Brumaires avant le café, et je n'ai même pas prévu un Bonaparte. D'ailleurs, je sens que nos belles amies s'ennuient. Cette conversation de haute politique ne leur a pas permis de placer un mot. Et les dames ont pourtant joué un rôle aussi, un rôle capital. Un peu à elles. Majesté, avec le recul de l'histoire, pouvez-vous nous faire la grâce de dire à nos auditeurs votre sentiment personnel sur les tristes événements qui ont marqué votre règne? Eh bien, nous avons été extrêmement surpris, le roi et moi, du cours que prenaient les choses. Nous étions une famille très unie. Louis, un bon père, un bon époux et nous en étions persuadés, un bon roi. Son souci du bien de ses sujets était la chose la plus touchante du monde. Les temps étaient durs, il le savait. Il souffrait de la misère de son peuple. Tard dans la nuit, revenant du bal, oh, combien de fois l'ai-je trouvé penché sur son petit carnet rouge, dans sa chambre, en train de combiner des économies. Oh. De fâcheux bruits ont couru sur vous, Majesté, à l'époque. Pouvez-vous maintenant, que tout cela est loin, dire à nos auditeurs s'il était fondé d'y ajouter foi? Oui et non. J'étais très jeune, j'aimais les fêtes, j'étais jolie. Quelle jeune femme n'a pas envie de s'amuser? Louis était très bon, très droit. Ce n'était pas un homme très amusant, j'avais des amis. Et ces amis, faut-il croire, comme on l'a affirmé, qu'ils vous ont entraîné à quelques imprudences? Quelle jeune femme n'est pas imprudente un jour ou l'autre? Ne parlons pas seulement des fêtes, car mes chers auditeurs, il importe de vous rappeler que le faste de la maison royale était à l'époque une véritable nécessité politique. Le peuple eût été le premier mortifié que son roi n'ait pas les plus beaux diamants, les plus beaux palais, les plus belles fêtes, la plus belle reine. Merci. Le roi et vous, madame, vous étiez en somme ses vedettes. On parle toujours de mes dépenses, mais j'avais lancé les modes les plus simples. Je m'habillais de linon, de cotonnade. Le peuple me le reprochait d'ailleurs. Il déteste la simplicité. Mes folies, peigner mes moutons dans mon ermitage, traire le lait de ma vache. Je suis la première reine de France qui ait mis son bonheur à vivre comme la plus humble de ses sujettes. Enfin, on ne peut pas dire que je ruinais la France en trayant le lait de Roussette. C'était ma vache. Sa Majesté nous fait une confidence amusante. Sa vache s'appelle Roussette. Le hameau de Trianon avait coûté une fortune scandaleuse. Tout nous coûtait une fortune à nous. Nous ne pouvions tout de même pas discuter avec nos entrepreneurs. Et vos amis, et les pensions. Je sais. Tout le monde m'a toujours reproché Madame de Polignac. Je l'aimais tendrement. C'était mon droit. Votre droit n'était pas de la combler scandaleusement et aider sa famille. Les Polignac étaient très serrés. Il fallait bien que je les aide. Vous n'avez jamais aidé un ami, monsieur? Jamais. Enfin, cri du cœur. Laissez-moi parler. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Jamais, jamais avec l'argent du peuple. Parce que vous ne l'aviez pas à votre disposition. Je l'ai eu. Et plus librement que vous, peut-être. Je n'ai jamais habité un palais. Je n'ai jamais eu que mes jetons de présence au comité, mon traitement à l'Assemblée. Le 9 Thermidor, on a trouvé chez moi qu'une cinquantaine de livres. Et je devais 4 ans de pension au Duplay. Quels sont ceux? Je ne parle pas des sensus aristocrates qui peuvent présenter de tels comptes. Tallien, Mirabeau, Danton, même. Moi, mon cher, j'étais un homme d'ordre et un financier. Si j'avais eu à présenter des comptes en tout état de cause, croyez qu'ils eussent été en règle. Je m'en doute. Et les pensions de Mirabeau? Il avait d'énormes besoins d'argent, les besoins inépuisables du fils. On sait ce qu'il a touché de la cour. J'étais sincèrement royaliste, mon bon. Quand les convictions sont sincères, il y a quelques jésuitismes à vouloir qu'elles ne rapportent rien. Ah, joli principe. Pardon. Absence de principe, ce qui est tout autre chose. Mais c'est laisser la porte ouverte aux pourris, aux voleurs. Peut-être, mais en politique, la France a eu plusieurs fois l'occasion de constater qu'ils étaient moins dangereux que la vertu. C'est un fait, les voleurs tuent moins. Et si on doit choisir... Ce que vous dites est ignoble, monsieur. Oui, c'est ignoble. La réalité est presque toujours ignoble. Au moins puis-je choisir, si j'ai le choix, la forme d'ignominie qui me coûte le moins cher. D'ailleurs... Les vraies révolutions sont lentes et elles ne sont jamais sanglantes. Le sang, c'est toujours pour payer la hâte de quelques hommes comme vous, pressés de jouer leur petit rôle. Par cabotinage, n'est-ce pas, pour se faire applaudir comme des acteurs? N'avez-vous pas remarqué qu'ils sont toujours prêts à mourir eux-mêmes et à rester pauvres? Si, mais j'ai remarqué que les acteurs exécrables l'étaient aussi. Tout l'Odéon se ferait tuer pour son art, c'est parce qu'il leur donne du talent. Votre cynisme. Il est tendre pour les hommes, dont il a accepté la faiblesse. Et la tendresse humaine, cette dame qui vous est restée inconnue, compte aussi. La tendresse humaine, comme vous dites, peut-être faite d'autre chose que d'indulgence et de facilité. Rappelez-vous ce que j'ai crié à la Convention quand les lâches parlaient d'indulgence. Indulgence pour les royalistes, grâce pour les scélérats. Non, grâce pour l'innocence, grâce pour les faibles, grâce pour les malheureux, grâce pour l'humanité. Bravo, bravo. C'est fort beau. Mais j'ai remarqué que ceux qui parlent trop souvent de l'humanité ont une curieuse tendance à décimer les hommes. La nature aussi décime, déblaye, nettoie, massacre. La nature chaque jour fait naître et extermine des millions d'êtres. Un jour du monde n'est qu'une vaste naissance et un vaste égorgement pour l'accomplissement de son dessein. Peut-être. Mais le dessein de la nature, si tant est qu'elle en est un, n'est de toute façon pas né dans la tête d'un monsieur de Robespierre. Devant un tremblement de terre qui fait 200 000 victimes, il n'y a plus qu'à s'incliner, c'est entendu. Mais quand le tremblement de terre a été conçu par une poignée de petits intellectuels mécontents du monde, on peut être tenté d'intervenir. Vous prêchez la guerre civile? Mon cher, j'ai horreur des massacres. Je ne me sens pas non plus une vocation de la paix. Rien n'arrêtera la marche du progrès, c'est de cela que vous enragez. Et quand il s'agit de vous défendre, vous et vos biens, vous venez d'avouer que vous n'êtes plus tellement économe de sang. Les rois ont massacré, eux aussi, depuis l'aube du monde. Et autant que vous, c'est vrai. Ils avaient du moins le courage de dire que c'était pour le bien de leurs affaires ou pour leur bon plaisir. Vous et vos pareils, en faisant la même besogne, vous y avez posé la main sur le cœur. C'est en ça que je vous trouve répugnant. Monsieur, retirez les mots. Trop tard. Il s'est envolé. Je vous sers un peu de champagne. Mon cher Maxime, je savais en venant chez vous que je serais le seul à défendre mes idées et c'est un peu pour cela que je suis venu. Je pensais que cet échange d'idées serait vif, mais courtois. Je vois que je me suis trompé. Je vais vous demander la permission de me retirer. Veuillez me faire donner mon manteau. Non. Comment non? Ma petite fête n'est pas finie et vous m'êtes indispensable. Charles ne vous donnera pas votre manteau. J'irai donc le chercher moi-même. Non plus. Je vous assure, Bitos, que nous ne saurions nous passer de votre présence ce soir. C'est un guet-apens. Quel grand mot. C'est une invitation ferme, tout au plus. Qu'avez-vous l'intention de me faire? Vous faire jouer votre rôle jusqu'au bout. C'est tout. Vous ne vous figurez tout de même pas que je vais de bonne grâce continuer à être votre tête de turc? Il vaudra mieux, Bitos, que ce soit de bonne grâce. Soit. Faites de moi ce que vous voulez. Je suis venu sans illusion. Mais je pensais du moins être protégé sous votre toit par les lois de l'hospitalité, sinon par celles de l'honneur, dont on parle beaucoup dans votre monde. Je vous promets que l'honneur, en ce qui me concerne, sera sauf. On connaît vos méthodes. Elles ont fait leurs preuves. Mes compliments, mesdames. Je vois que les jeunes femmes de votre monde ont d'innocentes et saines distractions. Mademoiselle Debray, vous êtes la seule ici dont la présence m'étonne et me peine. C'est sans doute pour me punir d'avoir osé demander votre main cet après-midi à monsieur votre père que vous êtes venu au spectacle de ce soir. Je croyais à une simple plaisanterie. Et comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'une simple plaisanterie. Vous avez décidé de me supprimer ? Je suis substitut du procureur de la République, et la République existe encore. Cela fera peut-être du bruit dans la ville demain. Ne faites pas l'imbécile, Vitos. Personne ne songe à vous supprimer. Nous avons trop besoin de vous pour rire. C'est un cas caractérisé de séquestration, coup et violence. Article 132. Ah, vous voyez ce que c'est d'avoir fait trop de droits. Vous dramatisez tout. Vitos, nous ne vous avons pas encore touché. Seriez-vous lâche? Non. Non. Il faut vous rendre cette justice. Je crois que vous n'êtes pas lâche. Je le regrette. Cela aurait décuplé mon plaisir. Je vous déteste, Bitos. Je vous déteste depuis que je suis tout petit. Je ne sais. J'ai essayé d'être votre ami de toutes mes forces. Quand j'avais 12 ans, je vous passais mes compositions, je m'étais fait votre valet, je portais vos affaires pendant les promenades, pour que vous puissiez courir librement, moi qui ne courais jamais. Je n'ai jamais rien reçu de vous que des repus fades. Je ne vous aimais pas. Pourquoi ? Vous manquiez de grâce. Vous êtes le seul de qui cela m'est peiné. Mais j'avais l'habitude. Tout le monde me détestait au collège parce que j'étais toujours premier. Parce que je manquais de grâce, c'est vrai, et que j'étais le fils d'une blanchisseuse. Oui, j'étais le fils d'une blanchisseuse. Ma mère lavait les draps du collège depuis 20 ans. C'est pour cela qu'on m'avait pris, gratuitement. C'est assez rare que je dois être ce que je suis, docteur en droit et en philosophie, licencié de physique, de mathématiques, de lettres, d'histoire, d'allemand et d'italien. C'est drôle, n'est-ce pas? Ça ne vous fait pas rire. J'ai passé tous les examens qu'on pouvait passer. Quand les autres allaient boire un poc au Dupont-Latin après le cours, moi, je rentrais dans ma chambre et je recommençais avec un sandwich sur mon livre. Et quand les autres rentraient dans la nuit de leur sortie avec des filles, j'étais encore là. Jusqu'à l'heure des halles, où j'allais décharger des camions. Après, je dormais 3 heures, quand il m'en restait 3. Et à l'heure du premier cours, c'était encore moi qui était assis le premier au premier rang, mes grandes oreilles de paysan grandes ouvertes, mes yeux de niais écarquillés pour voler le plus possible de cette précieuse science bourgeoise que gagnaient les bras ruisselants de ma mère. Si un jour j'ai droit à des armes comme vous, messieurs, il y aura les deux bras rouges de ma mère croisés dessus. Qu'est devenue votre maman, Bitos? Elle est morte. À la longue, les draps l'ont eu. Je le regrette. Je l'ai connue, c'était une courageuse femme. Merci, monsieur le comte, comme on dit dans les mauvais mélodrames. Votre mère aussi était une brave femme. Je sais qu'elle a aidé la mienne quand mon père est mort. Je ne retire rien de ce que j'ai dit, Bitos. Mais j'estime votre courage et votre désintéressement. Je regrette de vous avoir blessé. Et cela prouve que la discussion politique est toujours très difficile en France. Nous avons tous, de part et d'autre, trop de vilaines histoires derrière nous. Pour longtemps, la haine est française. Quoi qu'il en soit, le jeu de Maxime ne pouvait mener à rien de bon. Je suis d'avis qu'il vous rende votre mandat. Je regrette, mais nous sommes ici quelques-uns. N'est-ce pas, monsieur Deschamps, pour qui le souvenir de la mère de Bitos, si touchant qu'il soit, ne suffit pas pour effacer certaines choses. Robespierre, le vrai, avait aussi une mère, j'imagine. Comme chacun des hommes qu'il a fait guillotiner, d'ailleurs. Puisqu'il est question de ta mère, je vais tout de même la dire, mon histoire. Quand tu as demandé la tête de Lucien, avec qui nous avions fait notre première communion tous les deux, sa mère est venue te trouver la veille de l'audience, avec la tienne. Ces deux vieilles se sont mises à tes genoux et t'ont embrassé les jambes, te suppliant. Et ta mère pleurait autant que l'autre. Lucien avait trahi. Nous étions dans le même maquis, Bitos, toi et moi. Et tous les soirs, nous disions ensemble, en serrant les poings, « Quand ce sera fini, on le retrouvera, Lucien. » Ah, tu l'avoues? Oui, oui, oui. Mais pour moi, cela se serait terminé par une volée de coups de poing, comme autrefois à la récréation. Pas 12 hommes avec des fusils pour lui faire un trou dans le ventre, presque à bout portant, 10 ans plus tard. Lucien avait combattu contre nous. Il avait tué. Nous aussi. Tu ne vas tout de même pas comparer l'activité de ce petit traître et la nôtre. Ah non, non, non, rassure-toi, non. Nous l'avons déjà eu, cette discussion, le soir où notre amitié est morte. Ce que je voulais seulement raconter, puisque tu as évoqué le souvenir de ta mère, c'est qu'elle t'avait supplié une partie de la nuit avec l'autre, à genoux, et qu'au petit matin, voyant que décidément son fils était un vrai Romain, elle s'est élevée, la brave mère Bitos, dont nous parlons, pas du tout admirative, et avec sa grosse main rouge de blanchisseuse, elle l'avait giflé à toute volée, aller-retour, son héros. Il est très délicat de ta part de rappeler ce souvenir grotesque. Pas très délicat, non? Oh non. Depuis longtemps, j'ai renoncé à être délicat. Mais puisque tu as été te réfugier dans les jupes de ta mère, comme autrefois quand on voulait te battre à la sortie de l'école, j'ai tenu à dire à tout le monde ce qu'elle pensait de toi, elle aussi. Me battre. Toujours me battre. On a toujours voulu me battre. Même à la communale. Il faut croire que je vous gênais déjà. Les fils des pauvres aussi. Eh bien, battez-moi! Puisque vous avez décidé de me battre. Vous êtes six ici, et je suis seul. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne retiens ni les femmes, ni ceux que le jeu n'amuse plus. Charles, vous pouvez apporter les vestiaires qu'on vous demandera, sauf celui de Monsieur Bitos. Allons, allons, c'est une révolte. Non, sire, c'est une révolution. Maxime, je n'ai encore rien dit. Tu m'as fait coiffer une perruque au déboîté après 8 heures de voiture. Je n'ai même pas eu l'occasion de placer mon unique réplique et je n'ai pas encore dîné. Tu m'as habitué à une hospitalité plus généreuse. Il me paraît convenable que tu laisses s'en aller Bitos s'il le désire et que tu nous serves la suite de ton mirifique repas. Je crois me faire l'interprète de la plupart des amis que tu as invités ce soir. Oh, mon petit Maxime, on ne peut pas perdre une soirée comme ça. On n'en a pas tant dans la vie. Vous n'allez tout de même pas nous faire rentrer chez nous à 10 heures. Maxime, mon chéri, maintenant c'est toi qui es ridicule. Tu as voulu faire mettre Monsieur Bitos en colère, ta mauvaise plaisanterie a réussi, Monsieur Bitos s'est mis en colère. Alors maintenant, laisse-le rentrer chez lui et continuons de dîner tranquillement. Tu as pitié de lui? Peut-être. Les femmes ont toujours pitié des blessures qu'elles n'ont pas faites elles-mêmes. Alors, puisque tu as pitié de lui, embrasse-le! Maxime! Mais tu es fou! Mais embrasse-le! Tu ne vois donc pas comme il te regarde depuis tout à l'heure? Embrasse-le! Et je le laisserai partir! Ça sent bon, hein, petit curé, les femmes riches. Mais quand on demande la main des jeunes filles, on se fait flanquer à la porte. Et pour devenir l'amant des autres, il faut leur plaire. Alors, embrasse-la, puceau. Je veux t'avoir vu dans les bras d'une femme avant de mourir. Maxime, vous êtes un affreux mufle. Et je regrette d'être venu chez vous. Mon petit Maxime, tu sais que j'aime bien les plaisanteries. Mais je crois décidément que celle-là n'est pas drôle. Nous allons tous partir parce que je ne vois pas comment cette soirée pourrait redevenir agréable après ta dernière goujaterie. Mais nous ne partirons pas sans Bitos. Apportez les vestiaires, Charles. Monsieur. Y compris celui de Monsieur Bitos. Et moi, le gendarme Merda, on l'oublie à l'office? On n'a plus besoin de lui? Le 9 Thermidor, on ne le joue donc plus? Mais enfin, qui est-ce, Maxime? Les présentations seraient trop longues, madame. Et le seul que cela concerne n'en a pas besoin. Il m'a reconnu, lui. Grandi et un peu maigri, n'est-ce pas? Vous vous êtes évadé? Non, mon vieux. Il n'y a que les substituts pour se figurer qu'on s'évade des centrales. Tu as requis le maximum, souviens-toi. 10 ans. Mais 5 ont tout de même paru suffisants au tribunal. 1 an de préventive, le reste en cellule. Parce que grâce à la longueur de l'instruction, j'ai eu tout juste l'âge qu'il fallait pour être considéré comme un homme. En cellule, et bien noté. Remise du quart de la peine, c'est régulier. Tu peux vérifier, le compte y est. À un jour près, je te l'assure. Cela t'a paru moins long à toi. C'est vous qui avez fait venir ce garçon, n'est-ce pas? Il me manquait un gendarme merda. J'ai pensé que nul mieux que lui ne pourrait tenir ce rôle. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai fait que mon devoir. Cette petite pègre, qui n'avait même pas l'excuse de la misère, ne méritait aucune pitié. Vous avez volé une voiture. Et vous vous êtes présenté au guichet d'un bureau de poste, un revolver à la main. Comme dans un mauvais film. Exactement comme dans un mauvais film. Mais c'est étonnant comme le sens artistique s'affine en cellule. Ces quelques années de solitude m'ont permis d'apprécier tout ce qu'il y avait de mauvais goût dans mon geste. Je dois donc vous remercier d'avoir pris une part quelconque à l'éducation négligée d'un petit jeune homme qu'en somme, vous ne connaissiez pas. J'avais connu votre père, oui. On a dit que je lui devais mon premier avancement. Je ne cherche pas à le nier. J'avais été son secrétaire à la préfecture. On a essayé de faire pression sur moi. Mais ce n'est pas une raison parce que vous étiez le fils d'une ancienne notabilité de cette ville. Je n'étais pas chargé de vous. Je n'ai fait que mon devoir. Je n'ai que haine et mépris. Je le regrette pour les petits-fils de famille qui attaquent les bureaux de poste le jeudi. Allez, venez, nous partons tous. Un instant. Je devais jouer le gendarme merda. On m'a déjà arrêté une fois parce que j'ai voulu jouer au voleur. Je veux jouer au gendarme maintenant, pour me réhabiliter. C'est tout ce que je sais faire, jouer. On ne m'a jamais appris autre chose. Et le gendarme merda traversa la foule qui encombrait le salon de l'hôtel de ville. Il alla droit à Robespierre. C'est toi le citoyen Robespierre, je t'arrête. Tu es un traître. C'est moi qui vais te faire arrêter. Dit Robespierre. Mais le gendarme merda, qui n'était pas du tout dans le goût de l'époque, en ce sens qu'il n'avait pas la parole facile, jugea que ce n'était pas la peine de parler davantage, et il tira son pistolet. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite brute? Un médecin, vite! Faut taper un médecin! Mais ne vous affolez donc pas! Le pistolet n'était pas chargé! Mais il saigne! Il a été atteint à la mâchoire! Étendez-le sur la table! Va-t'en, merda! Je te dis de t'en aller. Je me charge du reste. Il respire encore. S'ils veulent attendre midi, ils ne pourront même pas le montrer au peuple. Oh, il y en a qui ont la peau plus dure, pourquoi? Dans la prison, les collègues leur disaient qu'on les transférait pour ne pas avoir d'histoire. Quand ils comprennent que c'est pour mourir, ça fait toujours du désordre sur les rangs. On leur disait de prendre leurs affaires, ça leur donnait confiance, et on les faisait passer un à un dans la cour, où nous, on les attendait. Et hop! Eh bien, j'en ai vu un, mon ami. C'était un curé réfractaire. Je lève ma hache, je lui fous sur la gueule en plein, il se retourne, il me prend au cou, il se met à m'étrangler avec le crâne ouvert, le salaud. Oh! Ça giclait, j'en avais partout. Ta femme a dû faire du joli quand tu es rentré. Et dire que c'est pour ça qu'on a pris la Bastille. Tu y étais, toi, à la Bastille? Non. Et toi? Non plus. Bon, remarque que tout le monde ne pouvait pas y être. Ça aurait fait de l'encombrement. Mais j'en connais qui se sont fait faire de faux certificats comme quoi ils y étaient. Et à eux, les bonnes places. Les faux certificats, pour être franc, j'en avais un. Moi aussi. Tiens, il a bougé ton client. Ah, un coup de chance, ils le tueront vivant. Tu iras, toi? Oh, tu sais, les exécutions, c'est plus l'enthousiasme du début. C'est toujours pareil. Ma femme, aux premières, elle était enragée. Dès le matin, elle filait là-bas avec son tricot pour être bien placée. Les ménages en souffraient. Elle s'en est lassée, comme les autres. Hé, hey là, citoyen, où c'est que tu vas? Dans le fauteuil. Je ne veux pas rester couché. On le laisse? On ne nous a pas commandé de l'empêcher de s'asseoir. Ça nous est égal à nous qu'il soit assis, s'il ne se sauve pas. Seulement, si tu essaies de te sauver, citoyen, nous autres, hein, on connaît que la consigne. Où voulez-vous que j'aille? Ça, c'est sûr. Ici, c'est gardé. C'est pas le gâchis d'hier soir à l'hôtel de ville où n'importe qui pouvait rentrer. Ici, il y a des ordres. Comment m'a-t-on transporté au comité? Sur une planche? Je te reconnais. Quand nous avons tenu séance hier soir, c'est toi qui gardais la porte. Ouais. Et tu me gardes maintenant? Ouais. Qu'est-ce que je vous ai fait? Nous, rien. C'est de la politique. Nous, on fait notre travail, c'est tout. Danton non plus, il nous avait rien fait. Mais il y avait l'ordre. On l'a arrêté quand même. Nous, on fait ce qu'on nous dit. À vous de vous débrouiller pour être ceux qui le donnent, l'ordre. Tout tient à ça. Il paraît que maintenant, c'est le citoyen italien qui commande. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, nous? J'ai mal. Je voudrais du lot pour étancher le sang de ma blessure. On n'a pas dit non plus qu'on ne pouvait pas lui donner de l'eau. Je vais tâcher de lui trouver une cuvette. Surveille-le. Ouais. N'entendront plus ma voix. Danton a crié jusqu'au bout, il a fait jusqu'au bout des mots de théâtre pour que les hommes se les redisent après. Comédien. Moi, ils ne sauront jamais ce que j'ai pensé à partir du moment où cette petite brute m'a tiré son coup de pistolet en pleine face. Je l'ai regardé pendant qu'il tirait. C'est étrange, j'ai eu beaucoup de temps pour le regarder. Il n'avait pas 20 ans, il était beau comme un archange. On aurait dit Saint-Juste. Il me semble, oui, que j'aurais eu le temps de lever le bras et de faire dévier l'arme, mais je n'ai pas bougé. J'ai laissé la douleur s'épanouir en moi soudain comme une grande fleur rouge. Ça a été aigu. Mais pas très long. Et tout de suite après, je me suis senti en paix. Sur cette table, il m'avait couché. En paix. Pour la première fois. Tout ce bruit, tous ces gestes, cette fureur, et cette agitation, cette haine, et ces blessures, ce n'était rien que cela. Et voilà que ça se mettait en ordre sur cette table, en finissant. À mesure que mon sang par le trou de ma mâchoire s'écoulait, je sentais une à une se fermer en moi toutes mes autres plaies. Encore un peu de sang, encore un peu de vie, et j'allais être guéri. Enfin. Tout est juste. Mais mais cela a été long de l'apprendre. Tout est juste. Mais cela a été long de l'apprendre. Juste. Tout mais est juste. Long de l'apprendre. Mais cela a été long de l'apprendre. Robespierre, vous êtes un excellent élève, mais pas assez respectueux. J'obéis en tout, mon père. Votre esprit n'est pas assez respectueux. Il y a dans votre esprit quelque chose de raidi qui m'inquiète. Nous vous apprendrons la souplesse. Oui, mon père. Vous dites oui et il y a dans votre esprit quelque chose qui dit non. Nous ne nous contenterons pas de votre soumission apparente, Robespierre. Nous vous châtirons jusqu'à ce que votre esprit dise oui. Comment le saurez-vous, mon père ? Voilà une question, Robespierre, pour laquelle vous aurez 10 coups de verge de plus. Maintenant, je vais vous répondre. Nous le saurons lorsque nous ne nous sentirons plus gênés par vous. Vous êtes un petit grimaud, Robespierre. Vous êtes ici par charité, parce que votre pauvre père nous a loyalement servi durant sa vie dans ses fonctions de juge au tribunal ecclésiastique. Vous êtes de très loin notre meilleur sujet, pourtant, avec toutes vos qualités, vous nous gênez. Et nous sommes obligés de vous châtier. Vous savez pourquoi le père de Breteuil vous a infligé ces 10 coups de verge que je m'en vais vous administrer, plus 10 de ma part pour votre question insolente de tout à l'heure. Défaites-vous, je vous prie. Oui, mon père, je le sais. Le ton même de votre réponse montre que vous ne le savez pas, ou plutôt, car vous êtes trop intelligent pour ne pas comprendre tout, que vous ne voulez pas le savoir. Vous allez être fouetté, Robespierre, parce que vous êtes pauvre. Et que vous en faites un sujet d'orgueil. Oui, mon père. Tournez-vous. Mettez-vous commodément sous mon bras. Je vais vous dire le vrai, Robespierre. Vous allez être fouetté pour ce qui mériterait récompense chez un autre. Pour votre obstination à être toujours premier. Parce que nous savons fort bien que chaque prix d'excellence que vous nous arrachez est une vengeance de votre orgueil. Pour nous faire payer notre charité. Oui, mon père. Tournez-vous. Mettez-vous commodément sous mon bras. Nous briserons nos verges, Robespierre, ou votre esprit. Et tous les éducateurs diront qu'une verge brisée se remplace indéfiniment. Tout est juste, mais cela a été long d'apprendre. Tout est juste, mais cela a été long d'apprendre. Monsieur, je suis un jeune député de la circonscription d'Arras. Je vous ai fait attendre, jeune homme. Je recevais une délégation charmante et un peu encombrante. Les dames de la halle qui venaient m'apporter des fruits et du poisson pour me féliciter de mon discours. Vous voyez que le métier d'homme public comporte de menus avantages, on est nourri. Mais excusez-moi pourtant de vous avoir fait attendre. Vous avez désiré me voir. Monsieur, je suis un jeune député de l'Assemblée constituante où je représente la circonscription d'Arras. Ah oui, vous me l'avez écrit. Maximilien de Robespierre. Robespierre, c'est vrai, excusez-moi. J'ai une mauvaise mémoire des noms, mais je n'oublie jamais les visages. Vous avez parlé déjà. Je crois vous avoir vu à la tribune. J'ai eu l'honneur d'intervenir dans le débat du 30 mai. C'est juste. Oui, on vous a pas beaucoup écouté. Voix un peu faible, diction encore incertaine. Je vous donnerai des conseils. Sur quoi avez-vous parlé au juste ? Sur le mariage des prêtres. Monsieur, j'ai demandé à l'Assemblée qu'ils eussent le droit de se marier. Ah, très intéressant. Évidemment, il n'y avait pas une urgence particulière. Je vous demande pardon. Il y avait urgence, monsieur. Vous croyez que cela les presse tellement ? Bon, vous savez, ils s'arrangeaient tant bien que mal jusqu'ici. Ils peuvent continuer encore un peu à caresser leur servante en attendant qu'on s'occupe d'eux. La révolution a d'autres chats à fouetter, là. Croyez-moi, jeune homme. Vous n'aviez pas bien choisi le sujet de votre premier discours. Si, pourtant, monsieur. Vous prisez ? Non. Vous avez tort, cela éclaircit les idées. Ah, je vous remets tout à fait maintenant. Maximilien de Robespierre. Robespierre. Les Robespierre, oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Vous m'êtes très sympathique. Oui, je sais qu'on se moque un peu de vous à l'Assemblée. Vos ennemis, bien sûr. Mais vos amis aussi, ce qui est humain. Il faut toujours que les assemblées se choisissent une tête de turc. Cela détend. Tâchez que ce rôle ingrat échoue à quelqu'un d'autre. Meilleure diction, d'abord, je vous l'ai dit. Puis il y a aussi en vous quelque chose d'un peu dogmatique, d'un peu pédant, d'un peu guindé. Enfin, disons le mot, d'un peu ennuyeux, qui indispose. Ah, il faudra revenir me voir un jour où j'aurai davantage de temps. Je vous donnerai quelques ficelles. Pardonnez-moi d'insister, monsieur. Mais je voulais vous dire que cette proposition sur le mariage des prêtres, cela pouvait faire plaisir à une grosse partie du bas clergé. Mais je n'en doute pas. Et je discuterai de cela bien volontiers avec vous un autre jour, monsieur. Mais je suis très pressé aujourd'hui. Je vais vous dire mon secret. Je n'ai pas encore déjeuné. Je sais que je suis très lourd. En m'incrustant, je suis lourd. C'est une des autres raisons pour lesquelles on se moque de moi à l'Assemblée. Je voulais seulement vous dire, monsieur, que la force dont nous avons besoin, ne peut pas être le fait d'un seul homme utile du génie comme vous, monsieur. Le clergé inférieur compte en France quelques 80 000 prêtres, qui sont des électeurs puissants. On peut penser ce que l'on veut de l'urgence de leur droit au mariage, mais les marier, c'est la seule façon de les rattacher à la Révolution et de les soustraire à certaines influences. Vous êtes un drôle de pistolet. C'est ça que vous vouliez dire à la tribune? Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Je l'ai dit. Mais je n'ai pas su me faire entendre. Moi, je n'ai pas de génie, monsieur. Où est donc la force, selon vous? Chez les médiocres, monsieur. Parce qu'ils sont le nombre. Je n'aime pas les médiocres. Nous avons besoin d'eux. Ce que nous avons à faire ne se fera que par eux. Pour eux, peut-être. Nous sommes en train de nous battre pour leur redonner une place au soleil. Pas par eux. Pourquoi pas par eux? Parce qu'ils sont trop près des petites choses. Est-ce leur faute? Non, mais c'est un fait. Et la politique ne sera jamais que l'interprétation des faits. Leur donner le pouvoir, c'est risquer de les voir se perdre dans des problèmes secondaires à la mesure de leur courte vue, dans des revendications particulières. Celui qui gouverne doit prendre un peu de hauteur, et leur vie ne les a point accoutumés à la hauteur. C'est pourtant par ces médiocres-là que la révolution sera faite, que cela vous plaise ou non, à vous et à vos semblables. Mais qui vous autorise à me parler sur ce ton, mon petit ami? J'en suis un! Alors écoutez-moi bien. J'aimerais mieux aller vivre à Constantinople chez le Grand Turc que de voir 600 médiocres faire ou défaire la France. Se déclarer inamovible, peut-être, au nom de quelques millions de médiocres qui les ont nommés. Qui sait, même héréditaires. Qui pourrait les empêcher? Une aristocratie de médiocres? Ha ha! Et avec cela, soyez tranquille, pas de nuit du 4 août en perspective. Pourtant, si ces quelques millions de médiocres qui les ont nommés sont la France, monsieur! Ils l'habitent! Mais ce n'est pas eux qui l'ont faite. Vous croyez que cela s'est fait comme on tient une boutique, la France? Les hommes qui ont fait la France n'avaient de commun avec eux que d'avoir deux bras et deux jambes comme eux. Mais j'ai le regret de vous l'apprendre, une tête qui les dépassait. Dans les années qui font fuir, nous allons devoir nous employer à les couper, ces têtes qui dépassent. L'ignoriez-vous, monsieur le comte de Mirabeau? Le comte de Mirabeau t'emmerde, Galopin! Comme il a emmerdé les comtes de Mirabeau de sa famille depuis qu'il a l'âge de comprendre. Et c'est pour ça qu'il s'est fait élire par le tiers. Et il ne permet pas à un petit foutriquet de venir le juger maintenant. Foutez-moi le camp, monsieur. Vous me feriez mettre hors de moi, en vérité. Et j'aurais scrupule à botter le derrière d'un de mes collègues à l'Assemblée constituante. Je suis très violent quand je suis en colère. J'ai fait le coup de poing avec monsieur mon père qui m'a fait mettre 4 ans en Bastille à cause de cela. Oui, je m'en suis pas vanté. Mais en 89, j'étais un des rares d'entre nous qui avait été à la Bastille. C'est pour venir me dire des aménités de cet ordre que vous aviez demandé à me voir? J'étais venu vous voir parce que je vous admirais. Eh bien, ça vous fera un poids de main. C'est toujours lourd, l'admiration. Maintenant, je vous ai. Soit. Ça donnera peut-être un peu de tonus à votre prochain discours. Soignez votre diction, jeune homme, autant que vos haines, si vous voulez être écouté. Tâchez de plaire. En France, on ne fait rien sans charme. Regardez le pauvre Louis XVI, qui n'en a point. Où il en est. Je ne vais pas plaire! Je ne plairai jamais à personne! Ah, je le crains. Je sonne pour qu'on vous reconduise. Mais pas besoin que vous venez me reconduire. Oh, mon petit ami, où diable avez-vous pu apprendre à cracher sur les tapis des gens? On peut faire la révolution et être poli, il me semble. Non. Bon, bah pour vous le prouver, je vous raccompagnerai moi-même jusqu'à votre voiture. Je n'ai pas de voiture. Oh, ne vous en vantez pas, c'est très incommode. Si je m'en vante. Eh bien, je vous laisse là, puisque vous ne voulez plus avancer. Vous m'avez appris une bien triste chose, monsieur. que la Révolution pouvait être ennuyeuse. Je la croyais jeune et gaie. Léger. Vous êtes légers tous. Un mot d'esprit vous console de tout. Il faudrait bien un jour que la France cesse d'être légère, qu'elle devienne ennuyeuse, comme moi, pour être propre, enfin. Tu te brosses encore ? Des verges. Tu crois que c'est avec des verges que tu obtiendras de ces enfants sinistres qu'ils cessent de jouer avec tout ? As-tu repensé à notre conversation d'hier ? Oui. Danton a dit hier, chez des fous, il est vrai qu'il était avec des femmes, mais Danton est toujours avec des femmes, qu'un jour la République hors de péril pourrait être un Henri IV et faire grâce. Ce n'est qu'un mot. Et nous sommes payés tous pour savoir ce que valent les mots. Nous ne faisons que ça. Mais celui-là, après ton discours de la semaine dernière où tu as demandé à l'Assemblée une sévérité accrue, est une véritable provocation. Tu vas la laisser passer ? Danton a été longtemps mon compagnon de lutte. Camille est encore mon ami. Ton ami. Tu as lu le dernier numéro du Cordelier ? Il te ridiculise. Tiens, il est encore tout frais. Il tâche les mains. Il a osé ! Ah, tu commences à t'émouvoir. Ah, je savais que pour te toucher, il fallait t'atteindre dans ta vanité d'homme de lettres. C'est ce qu'il y a de plus authentique chez toi. C'est juste ! Je ne le permettrai pas. Dieu soit loué. Ils ont su te blesser au point où tu es le plus sensible. Ils sont perdus cette fois. Ce que tu me demandes de décider est horrible. Tu n'es jamais aimé Danton, c'est vrai. Danton est un porc puant. Vaniteux, comédien, pourri. Mais du calme, réserve-toi pour la tribune, tu vas éventer ton indignation. Mais Camille est encore un enfant. Imprudent, léger, vicieux, certes. On meurt pour beaucoup moins que cela en France, de nos jours. Cet enfant léger et vicieux oublie le premier que tu l'as aimé et qui tu es. Il mord cruellement, jeune chien. Tu veux que je te lise son article ? Ah, c'est amusant, d'ailleurs. Et bien écrit. Il ne manque pas de talent. Non ! C'est peut-être trop tôt. Nous venons tout juste de frapper Hébert. Un coup à gauche, un coup à droite. C'est comme ça qu'on va droit. Tu n'as jamais fait de bateau sur la Marne, chez la mère Catherine ? Ton hésitation fait honneur à ta sensibilité, Robespierre. Tu es un fils de Rousseau, je le sais. Moi aussi, je suis sensible. Nous sommes tous sensibles. Je suis sûr qu'on ne retrouvera jamais en France un groupe d'hommes politiques qui ait versé autant de larmes que nous. Mais aujourd'hui, et demain, nous nous laisserons aller à notre sensibilité plus tard. Quand nous aurons nettoyé le monde. Notre devoir est ailleurs aujourd'hui. Danton, Camille et l'indulgence sont de trop. Tu le sais aussi bien que moi. C'est toi qui parleras contre eux. Moi, je ne le pourrai pas. L'amitié est un sentiment qu'on ne bafoue pas impunément. Oh, ne te brasse donc pas toujours ainsi. Quelle manie as-tu là ? Tu es propre. Les éléments de l'accusation ? Si tu veux que j'attaque demain au comité, nous n'avons pas de temps à perdre. Les voici. Je les avais préparés depuis 8 jours. Tu aurais pu m'épargner la peine de te convaincre. Ah, je vois sur mes tablettes que nous devions dîner avec eux ce soir à la campagne, chez Talien. Je les commande ? Non. Sur un plan strictement humain, cela serait convenable, mais nous n'avons pas le droit de leur donner l'éveil quelques heures avant ce combat. Ne décommande pas. Nous ferons, au bien de la nation, le sacrifice de cette épreuve pénible. Tu es un personnage admirable, Robespierre. Je ne me lasse pas de te voir vivre, et ce sera peut-être le secret de ma fidélité pour toi jusqu'à la mort. Tu m'amuses. Regarde, c'est injuste. À quoi ? On n'a qu'une tête ? Et il y a longtemps, quand ta compagnie, je l'ai misée. Et puis, tu as tellement besoin de moi pour te faire souffrir. Allons à ce dîner ! Mes amis, il y a un traître parmi nous. Robespierre ne boit pas. Il faut que Robespierre boive. Je n'ai pas soif. Tu n'as pas soif ? À la République, une et indivisible. Te voilà pris. Tous ceux qui refusent de trinquer sont des contre-révolutionnaires. Demain, ça sera dans tous les journaux. Un titre gros comme ça, compte sur Hébert. À un dîner de patriotes, Robespierre refuse de boire à la République. J'ai mal à l'estomac, j'ai trop bu. Bois tout de même, petit curé. Mal à l'estomac de nos jours, c'est moins dangereux que mal à la tête. Si tu ne bois pas, je le dirai à Hébert qu'il mettra dans son père Duchesne. Hébert a été arrêté cette nuit. Tout ce que dit Robespierre est toujours vrai. Vous le savez bien. Quand cela a-t-il été décidé ? Au comité, cet après-midi. Pourquoi n'ai-je rien su ? Où étais-tu la nuit dernière ? On t'a cherché. Chez les filles, c'est vrai. Quand on ne croit pas que tu pourras toujours impunément bafouer tout. Qui a demandé la mise en accusation d'Hébert ? Moi. En plein accord avec Robespierre et à l'unanimité des voix du comité. Le salut de la nation voulait qu'il fût mis un terme aux provocations des exagérés. C'est trop facile d'exploiter la disette et d'en appeler directement au peuple, de reparler d'insurrection. Il faut tout de même s'habituer à laisser le peuple tranquille, surtout maintenant que c'est nous qui gouvernons. Le comité a approuvé ma liste. Et qu'est-ce que c'est ta liste ? Hébert, Ronsin, Chabot, Klotz, Montmoreau, héros de Seychelles, tous convaincus de royalistes. T'en foutre ! Je sais qu'il faut encore tuer, et je les déteste comme toi ! Mais royalistes, ces gens-là ! Royalistes, Danton. Qui l'eût cru, n'est-ce pas ? Jusqu'à hier, vous pouviez vous poser la question, mais maintenant que le comité en a été convaincu, il serait malsain de le faire. Royaliste aussi, le bon Klotz ? Ce juste petite vipère élégante. Jusqu'à la fin des temps, on ne saura probablement pas qui tu étais. Dandy, pince sans rire ou archange exterminateur. Mais une chose est sûre, c'est que tu étais très intelligent et que... C'est... Et que c'est parce que je suis très intelligent que j'ai réussi à mettre Klotz sur une liste royaliste. Ainsi qu'Héros de Seychelles. Votre ennemi, plaignez-vous. Et Fabre d'Églantine, que j'oubliais. Pour celui-là, c'est encore plus simple. Il a volé. Héros est mon ennemi, mais s'il n'est pas royaliste, je le proclamerai. Vous êtes un enfant, Danton. Et Fabre n'a point volé. Robespierre. Oui, Camille. Tu le sais, toi, que Fabre n'a point volé. Mon opinion personnelle est sans importance. Je sais que le comité a décidé que Fabre avait volé, un point c'est tout. Par des mots ! Ils me suffisent. Et j'espère pour toi qu'ils te suffiront dorénavant. L'arbitraire reste l'arbitraire ! Non, devrais-je t'apprendre ton catéchisme ? Il n'est pas un Grimaud de 10 ans qui ne le récite mieux que toi dans les écoles de la nation. L'arbitraire des rois est un crime. L'arbitraire des peuples ou de ceux qui le représentent est sacré ! M'étonne de plus en plus que des vérités aussi élémentaires te demeurent encore étrangères. Tu me peines, Camille. Robespierre, nous ne sommes pas à la tribune. Je sais qu'il faut dire les mots et se réfugier parfois derrière leurs barrières infranchissables. Pour simplifier, j'ai fait la cuisine comme toi. Surveille tes mots, toi aussi, Camille. Mais nous sommes entre nous aujourd'hui, des amis réunis autour d'une table à la campagne pour le délassement d'un soir. Au collège, j'étais dans les petits, Maximilien. et tu étais déjà dans les grands. Mais je t'admirais. Je t'écoutais, je te suivais partout, je t'aimais. Moi aussi, je t'aimais. Je t'admire. Je t'aime encore, Robespierre. Mais tu veux que je te le demande à genoux? Mais ouvre-toi! Ne reste pas fermé et hargneux dans cette prison de rigueur et de logique où nous ne pouvons plus t'atteindre. C'est le petit garçon que tu as ébloui autrefois par ton courage et ton intelligence qui te le demande aujourd'hui. Lève-toi! Quel ridicule! Tu dois être ivre, toi aussi. D'ailleurs, il est tard, nous devons rentrer. Mon cher Talien, ton hospitalité a été charmante. La citoyenne Talien est décidément une merveilleuse maîtresse de maison. Il faut rendre cette justice aux ci-devant. Ils savent recevoir leurs habits. C'est une menace. Faut-il que je prépare mon petit baluchon dès ce soir, Robespierre? Qu'allez-vous chercher là? Je ne vous faisais qu'un compliment, madame. Madame! Il a dit madame! Et il lui baise la main! À Versailles, nous sommes à Versailles! Oh, avoir vu ça et mourir! Demain, je veux bien mourir demain! Il ne faut jamais dire ça, Danton. Un vieil habitué des parquets cirés et des révérences. La main des dames! Sacré Maximilien, il nous cachait ses talons! Imbécile! Eh oui, ce soir, c'est le vin de Talien, que veux-tu? Je me sors d'humeur imbécile. Oh, comme nous avons pu les compliquer les choses avec nos idées. Elles sont toutes simples, les choses, mon petit Max. Elles obéissent à des lois qui sont vieilles comme le monde, et entre nous, toi et moi, n'y pourrons jamais rien. Nous pourrons toujours rédiger des constitutions. Tiens, par exemple, la force, hein? La force physique, quoi de plus bête, mais de plus gentil, au fond. Tiens, un exemple entre mille autres. Il me vient une idée, tout d'un coup, une idée d'ivrogne. Je te prends sous les bras et je te soulève. Remarque, qu'est-ce que tu vas m'objecter? Juste, te voilà en l'air. Ça n'a absolument aucun sens. Tu gigotes, tu voudrais redescendre. Rien à faire, tu ne peux pas. Ça, c'est simple. Le comité de salut public lui-même, quoique l'ayant constaté, n'y pourrait rien. La voilà bien, la vraie inégalité des hommes. Pas la peine de voter des crédits pour graver le mot sur les monuments. Arrête! Arrête! Imbécile, repose-moi, Marc! Je te repose. Mais plus fort encore! Je te prends le cou! Toujours facétieux, d'une seule main, citoyen! Arrête! Tu m'étrangles! Je le sais bien que je t'étrangle. Mais comme ça pourrait être simple au fond l'histoire. Mais je ne veux pas nous priver de Robespierre, mes amis. Il nous manquerait. Tiens, plus simple encore, le bras. Tout simplement, le bras. Je tords, tout gentiment. Une bonne petite farce entre amis, pas plus. Arrête. Je parie que dans 3 secondes, tu vas me demander pardon, Robespierre. Pardon de tout et de n'importe quoi. Du passé et de l'avenir. Pardon de ce que je voudrais. Personne n'est plus Romain quand on vous tient le bras comme ça. Caton lui-même appelle sa maman. Mes amis, le comité de salut public est à terre. Je suis le maître de la France. Dis pardon, Robespierre. Pardon, Robespierre. Dis pardon. Allons, dis pardon. Danton, je sais bien que vous êtes ivre, mais reprenez le coup et achevez-le ou arrêtez. Un demi-jeu, c'est dangereux. Non, c'était seulement pour rire un peu entre bons camarades. Je n'égorgerai même plus un poulet maintenant. J'ai horreur de la mort. Vous vieillissez, Danton. Oui, Saint-Just, je vieillis. Le sang commence doucement à m'écœurer. Je te ramène à Paris, mon petit Max. Il n'y a pas d'autre voiture. Tu es propre. Ne brosse plus. Et en retournant à Paris, tâchez de parler d'autre chose. Mon petit Camille, tu es jeune et généreux, donc mais tu apprendras en grandissant que ce ne sont pas là des vertus d'homme public. J'étais au courant, moi, de la décision du comité et de l'arrestation de cette nuit. Mais je n'ai pas placé un mot dans votre discussion, tu l'as remarqué. Nous savons tous, Robespierre le premier, que ces hommes n'étaient pas tout à fait aussi noirs qu'il nous faut le dire. Il nous faut le dire. Le peuple a besoin qu'on lui traduise les choses. Que veux-tu ? Ils ont été des soldats sacrifiés sur un champ de bataille, des enfants perdus de la Révolution. Le résultat acquis, Robespierre lui-même, n'est-ce pas Robespierre ? Se fera un honneur de les réhabiliter un jour. Chaque goutte de sang qu'il me faut verser, je la tire de mes propres veines, sachez-le. Mais il n'est pas d'amis que je ne sacrifierai à mon devoir. Sachez-le aussi. Tu comprends, Camille ? Non. Non, je ne comprends pas. Je comprends plus rien. Rentrons, Lucille. Je suis là. Nous vous raccompagnons jusqu'à la voiture. Quelle nuit merveilleuse, n'est-ce pas, pour avril ? Floréa, mon amour. Floréa. Il faudra t'y faire, mon amour, ou tu nous causeras des ennuis. Pauvre femme. Il ne va plus en rester qu'un calendrier et une chanson. Tu te rappelles, mon amour ? Il pleut, bergère. C'était charmant. Il pleut, bergère. Vous ne pouvez pas faire tuer Camille, Robespierre. Je souffre, Lucille. Je souffre autant que vous, mais je le dois. Je m'immolerais moi-même s'il le fallait. C'est cher, la grandeur. Qu'est-ce que c'est, la grandeur ? L'accomplissement impitoyable de son devoir. Qu'est-ce que c'est, son devoir ? Maintenir une ligne droite, coûte que coûte, jusqu'à cette clairière où nous pourrons enfin nous reposer tous ensemble, les morts et ceux qui sont encore vivants. Ce lieu lointain dans la forêt, où la Révolution enfin sera faite. Et si la Révolution n'était jamais faite, toujours à faire, si cette clairière s'éloignait comme dans les contes à mesure qu'on avance, il faudrait continuer la lutte. Éternellement ? Éternellement. Sans souci des hommes ? Sans souci des hommes. Mais cette Révolution, c'est pour les hommes que vous voulez la faire. Pour d'autres hommes, sans visage. Robespierre, je ne suis qu'une femme. Mais les femmes savent des choses que vous ne savez pas. La vie se fait au fond de leur ventre. Elles sont plus près de la vérité que vous. Elles ont deviné depuis toujours que, dans la journée, il n'y avait pas d'hommes. Vous êtes tous restés des petits garçons avec vos idées, votre assurance que rien ne peut entamer, vos violences... Excusez-moi, Lucille, de graves décisions m'attendent. Rendez-moi le poids de Camille sur mes épaules, Robespierre. Ne me le rendez pas parce qu'il était votre ami au collège. Rendez-le-moi parce que vous m'avez aimé. Si je le faisais, je serais un lâche. Qu'est-ce qu'un lâche ? Passé 15 ans, personne ne le sait plus non plus. C'est bien. J'irai retrouver Camille toute seule, puisque vous ne me le rendez pas. Pauvre Robespierre, qui tue parce qu'il n'a pas réussi à grandir. Non, je n'ai pas grandi. Je hais encore les hommes. L'affreux marat dans sa baignoire, sanglant. Un crapaud jaune. Enfin muet dans son bocal. Et le peuple écoutait ça. Parce que ça gueulait plus fort que les autres. Le gros Mirabeau, élégant dans sa robe de chambre avec son ventre et son sourire. Et il m'avait pris par le bras de sa main courte et baguée pour me jeter dehors. Et le père jésuite avec ses verges. Vous savez pourquoi vous allez être fouetté, Robespierre ! Et Danton, avec sa grosse voix et son odeur d'homme, pardon, Robespierre, pardon, Robespierre, dis pardon ! Dis pardon, Danton ! Ça leur apprendra à me faire peur. Le gros Samson qui leur coupe la tête, puis aussi. Et ses deux aides avec leurs gros bras. Et ils sourient complaisamment aux filles du haut de l'estrade. Car ils savent qu'elles les attendent le soir, toutes moites, consentantes, devenues soudain si ignoblement tendres. Elles qui rient toujours de tout. Pas mais. Putain! Seulement, mes belles, vos gros amants, vos taureaux bien membrés, vos mâles. Vous ne savez pas qu'il suffit qu'ils paraissent et qu'ils les regardent? Le petit Robespierre, qui est si maigre et si laid. Mais qu'ont-ils donc? On dirait que leurs gros bras n'ont plus de vigueur, que leurs grosses voix se font molles, que cette chose immonde qui tendait leurs culottes a disparu. Tournez-vous, mesdames, qu'est-ce que c'est donc? Un autre mâle encore plus fort qu'eux, un taureau encore mieux membré, un monstre? Non, c'est tout simplement le petit Robespierre qui a surgi et qui les regarde. Comme ça. Putain. Je vous apprendrai, moi. Je vous ferai veuve. Il n'y aura plus personne dans vos lits. Ah, vous avez encore envie d'aimer tous. Ah, on danse encore tous les soirs sur la place des villages pendant qu'il y a le monde à changer. Ah, il n'y a rien d'autre venture, au prix taxé, mais on achète encore par derrière, même les plus pauvres, pour mieux manger. Ah, les marchandes de mode tentent de rouvrir boutique, alors qu'il n'y a même plus de pain. Ah, on veut être belle, on veut vivre, quand même, est-ce que je vis, moi ? Beaux messieurs, beaux mâles, je vous le ferai passer le goût de vivre et d'être des hommes. Je vous ferai propre. Je t'assure que tu devrais t'arrêter de te brosser, cette manie est ridicule. Qu'est-ce que tu faisais seul dans cette salle déserte? Tu répétais ton discours? C'est juste, il y a dans ce peuple une incurable propension à la facilité et à l'insouciance. Il accepte ses maîtres, mais il ne les respecte pas. On croit qu'on l'atteint et qu'on le jugule, on s'aperçoit qu'il est plus occupé à jouer aux boules ou à caresser les filles qu'à fixer la ligne de son destin. Je haïssais les aristocrates avec leur façon de sourire de tout, mais je me demande maintenant s'ils n'avaient pas tout simplement cristallisé et grossi en eux l'insouciance de tout ce peuple. Le dernier des sans-culottes en France a encore des talons rouges, l'insolente nation! Tu veux faire une loi contre l'insolence? Je veux faire une loi qui les oblige à réapprendre le respect! Je crois qu'il faut leur refaire Dieu maintenant. Nous ne leur ferons pas passer autrement leur ignoble envie de vivre, un Dieu à nous. Un Dieu que nous aurons bien en main. Et de nouveaux curés qui les surveillent. Il suffit de faire un décret. Article 1er. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême. Article 2, il reconnaît que le culte de l'être suprême est la pratique des devoirs de l'homme. Tu es sûr que ça veut dire quelque chose? Oui. Article 3, tout blasphémateur sera puni de mort. Ça, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Fais un décret, guillotine. Ils ne tricheront ton Dieu, quel que soit le nom que tu lui donnes, comme il trichait déjà l'ancien, le vrai. Ils trichent tous! Ils ont ça dans le sang. Je les tuerai tous s'ils le trichent. Est-ce que je triche, moi? Je tuerai tous ceux qui trichent. Je guillotinerai tout le monde. Et je reconstruirai après. Quel jour sommes-nous? Le 21 Prairia. Demain, je ferai voter une loi qui réformera le tribunal révolutionnaire. Tout cela est trop lent. Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit durer que le temps de les reconnaître. Il s'agit moins de les punir que de les anéantir. Ce qui nous manque, c'est un instrument, nous allons le faire. Écris-toi, moi je ne peux plus. Ah. Article 1er. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. L'article second, les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent ou ont cherché à anéantir la liberté. La liberté. Je ne ris pas. Soit par la force, soit par la ruse. Article troisième, la peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire à la mort. La mort. Article quatrième, s'il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, il ne sera pas entendu de témoin. Article cinquième, défendre les traîtres, c'est conspirer. La loi donne pour défenseur aux patriotes calomniés des jurés patriotes. Elle n'en accorde point aux conspirateurs. Effet rétroactif, juré partisan, pas de défense, c'est un modèle du genre. Il resservira. Qui traduira au tribunal ? Le comité de sûreté générale. Et qui fournira les noms au comité ? Ses travaux ne lui laisseront pas le temps d'enquêter. Une commission qui lui sera étrangère sera chargée de chercher les suspects dans les prisons. La responsabilité de cette commission se bornera à établir de larges listes de suspects sans approfondir et de les transmettre au comité. Le comité se bornera à signer et à transmettre au tribunal. Et le tribunal ? Le tribunal jugera. Mais si la commission et le comité lui ont envoyé des hommes, c'est que ces hommes sont passibles de la peine de mort. Le tribunal se bornera à appliquer la loi. Il faudra y veiller. Mais alors, qui décidera en fait ? Personne. La machine de la loi. Il est dangereux que les hommes puissent décider quelque chose d'eux-mêmes. Il faut mettre des comparses sur des créatures qui ne soient rien. Des imbéciles, au besoin. Et les imbriquer les uns dans les autres, comme des rouages, et mettre leur pouvoir dans des responsabilités minuscules, qui ne les engagent jamais. Il faut supprimer, autant que possible, les hommes, et que tout semble se décider de soi. Moi-même, je me retirerai. Je ne serai plus rien. La loi brouillera. Seul. Ne te brosse plus. Et Dieu, dans cette histoire, tu y renonces ? Non, nous commencerons par Dieu. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Il faut redonner un sens moral à ce peuple, il l'a perdu. Et puis, ils ont besoin d'une fête pour achever d'oublier Danton. Ce soir, je lirai à la Convention le décret sur l'être suprême. Je veux qu'on fasse une fête, une très belle, très touchante fête, une fête organisée, et pas leurs ignobles amusements. On enlèvera la guillotine pour un jour. Je veux des fleurs, beaucoup de fleurs. Des filles en robe blanche, des enfants. Ah, l'innocence des enfants. Des sociétés de gymnastique. Des chorales. Enfin, quelque chose qui nous rafraîchira tous et nous élèvera. Nous en avons besoin. Ah, je n'ai pas le temps de tout faire. Et il n'y a personne autour de nous, c'est le désert. Tu vois, c'est injuste. Ce qui nous manque, c'est une littérature qui exalterait les bons sentiments. Il faut que nous organisions une littérature. Au fond, nous manquons de poètes. Ah, il y avait Chénier. Ah ! Chénier n'est pas un poète. C'est un contre-révolutionnaire. J'aime bien fait de lui faire repenser à celui-là. Je vais envoyer un mot à Fouquier. Il paraît qu'il est encore détenu à la BUF. C'est un scandale qui le protège. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on attend pour le supprimer ? Tu as raison, un poète de moins, c'est toujours ça de gagner quand on veut mettre le monde en ordre. Je dépose une plainte. Tentative d'assassinat. Article 117. Mais non, Vitos. Vous vous êtes tout simplement évanoui de peur. Le pistolet n'était pas chargé. Robespierre, le vrai, a été atteint à la mâchoire, mais pas vous. J'avais seulement mis un peu trop de poudre et vous avez été légèrement brûlé au menton. Donnez-lui le miroir, Charles. Et qu'il constate lui-même. Vos chapeaux, mon manteau. Je vous assure, monsieur Mythos, que vous devriez accepter que Verdreuil ou moi vous raccompagnons. Vous ne pouvez pas traverser toute la ville sous cette pluie en escarpins et en babouillant. Je trouverai un taxi. À minuit, en province, personne n'a jamais rencontré de taxi, Mythos. Je pourrais peut-être prêter mon parapluie à monsieur, il est très usagé, mais je m'en sers quelquefois pour aller faire les courses. Merci, mon ami, cet engin me suffira. Maxime, il faut le rattraper. Le ramener coûte que coûte. Si tu le laisses partir comme ça, demain il dépose une plainte et le petit Delano retourne en prison. Non, pas toi, Maxime. Tu ne peux plus rien. Moi, j'ai 20 000 ouvriers dans mes usines. Apaiser le peuple, c'est mon métier. Votre riflard, Charles. Voilà, monsieur. Dans 10 minutes, je vous le ramène. Il faudra le flatter, le faire boire. Et les femmes l'achèveront. Je compte beaucoup sur vous, Lila. N'oubliez pas qu'au fond, Bito, c'est un snob. Et qu'il tient tout particulièrement à l'opinion de ce monde qu'il se propose de faire fusiller un jour. Charles, monsieur. Apportez-nous du whisky et des verres. Entre deux plats, monsieur Maxime? Entre deux plats, Charles. On n'a jamais vu ça. Quelle soirée! De venir le chercher en voiture. Mais j'ai pu le convaincre de venir boire un grog avec nous pour se réchauffer. Il est percé jusqu'aux os. La crainte de la bronchopneumonie a été pour beaucoup dans son retour. C'est un homme soucieux de sa petite santé. Je vois, monsieur, que vous allez sagement tenter d'arranger les choses avec André Bitos. Comme ma présence n'y aiderait certainement pas, je vais vous demander la permission de me retirer. Je crois qu'il ne serait pas sage, en effet, de vous retenir. Il arrive quelquefois qu'on se réconcilie, fût-ce après un bain de sang, avec ses ennemis de classe, mais jamais avec ses amis. Charles ? Monsieur ? Le vestiaire de monsieur, bien, monsieur, s'il vous plaît. Je tiens à vous dire pourtant, avant de partir, que j'ai les mêmes idées politiques qu'André Bitos, si je le méprise en tant qu'homme. Je ne l'ignorais pas. C'est ce qui m'a empêché d'être aussi drôle que je l'aurais souhaité pour faire honneur à votre invitation. Je vous souhaite à tous de terminer au mieux cette soirée. Bonsoir, monsieur de Verdreuil. Je suis heureux de vous avoir rencontré. Ah. Apprivoiser ce que monsieur Brassac appelle le peuple, avec des moyens dont j'aime autant ne pas être le témoin. Dans ce que je veux vous dire, pour vous éviter à la fois les déceptions et les joies d'un triomphe trop facile, c'est que ni André Bitos, ni les meneurs des usines de M. Brassac, ni d'ailleurs les figures de la Révolution que nous avons essayé d'évoquer ce soir ne sont le peuple. Tous ces gens-là vous ressemblent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le peuple, le vrai peuple, a seul l'honneur et l'élégance d'appartenir à la race qui ne fait que donner. C'est un peu grandiloquent, je m'en excuse. Mais je ne savais trop comment vous dire cela et je voulais vous le dire. Bonne fin de soirée, mesdames. Maxime avait raison. Il est très bien, ce garçon. Pas invitable, mais très bien. Oh, pourquoi l'avoir laissé partir? Il avait des yeux ravissants. Mes amis, voici notre ami Bitos, qui vous demande comme moi de lui pardonner sa tenue. Charles fait sécher sa veste et son manteau. Très sportivement, je le reconnais, André Bitos a accepté nos excuses et de venir boire avec nous le grog dont nous avons diablement besoin tous les deux. Quel temps de chien, hein ? Nous n'avons plus un poil de sec. J'ai accepté vos excuses parce que j'ai tenu à montrer à ces dames que je n'étais pas aussi ours et aussi ridicule qu'on veut bien le prétendre dans ce pays. J'ai eu un moment d'humeur, bien justifié d'ailleurs, vous le reconnaîtrez, dont je m'excuse à mon tour. Monsieur Bitos, je savais que vous étiez un homme d'esprit. Votre grog me paraît faible, Bitos. Permettez-moi de le corser un peu en gage de notre réconciliation. Très peu, très peu. Je ne supporte pas l'alcool. Alors, buvez donc. S'enivrer n'est rien. C'est prendre froid qui est grave. Vous vous êtes réchauffé? Vous m'avez mis trop de whisky. Pour le petit Delannoy, je plaide coupable. J'ai cédé à un certain mauvais goût du mélodrame en le faisant venir. Mais je ne me doutais pas qu'il se laisserait aller à un enfantillage déplacé, car nous sommes tous bien d'accord. Il ne s'agissait là que d'un enfantillage. Ne parlons plus de cela, si vous voulez bien. C'est une chose qui me concerne seule. Bitos a raison. Il faut oublier au plus vite ce petit incident pénible qui, d'ailleurs, n'a pas tiré à conséquence. J'ai moi-même été désagréable, Bitos, et je m'en excuse. Ma parole, je me croyais Mirabeau et dans le feu de l'action. Je me suis bien cru, Robespierre. Et buvons, buvons, mes amis, il faut oublier tout cela. Si les hommes se donnaient pour oublier le centième du mal qu'ils se donnent pour se souvenir, je suis certain que le monde serait depuis longtemps en paix. Au fond, le premier massacre urgent serait celui des professeurs d'histoire. Ne parlons pas des journalistes qu'on devrait tuer au berceau. On continuerait par les savants. Quelques idéalistes dangereux, quelques financiers. Bien entendu, un certain nombre de militaires. Une grosse masse de peuple trop crédule. Et toute la fine fleur de la bourgeoisie égoïste. Je vous en prie, je vous en prie. Laissez-nous de quoi inviter à dîner. Considérez-vous quelques jolies femmes. Je ne dis pas non, je ne dis pas non. et là, madame, vous voulez me griser. Oh, j'adorerais cela. Vous êtes un mystère pour moi, monsieur Bitos. Vous me flattez beaucoup, madame. Mais je vous assure que vous vous trompez, je n'ai rien de mystérieux. Et si je suis revenu parmi vous, c'est précisément pour vous montrer qu'on pouvait être un rouge, comme vous dites, et n'être pas l'ennemi d'une détente charmante. Si elle ne dépasse pas certaines bornes, bien entendu. J'ai mes idées, certes, et j'y tiens, mais on m'a vu dans quelques belles fêtes, et on y verra encore. Cher monsieur Bitos, c'est pour ce mélange d'idées avancées qui nous passionne toujours, nous autres femmes, et de parfaites tenues, que nous avons plaisir à vous recevoir. Merci, madame. Êtes-vous libre, mercredi en 8? Je réunis quelques amis à dîner à l'occasion du passage dans notre ville du professeur Le Pay de l'Institut, qui vient nous donner une conférence qui sera très courue, je crois, sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Je serai ravi d'être des vôtres à cette occasion, madame. Le Pay est un grand savant et un homme de cœur qui a mis son immense science au service des causes les plus justes. Je suis ravi, en tout cas, d'apprendre que vous le recevez. Je pense que mon ami ne va pas tarder et que vous pourrez reprendre enfin vos petites agapes. Je l'ai réveillé en pleine nuit, le malheureux. Il lui aura fallu le temps de s'habiller. Mais il fait vraiment un temps à ne pas mettre un chien dehors et comme je suis assez fragile des bronches. Oh, croyez que nous serons navrés de nous remettre à table sans vous, monsieur Bitos. Peut-être pourrait-on lui téléphoner de ne pas se déranger. Non, non, madame. Non, il est certainement déjà en route. Ou le prier de se joindre à nous. Oh, quelle bonne idée! J'aimerais tant que vous restiez avec nous, monsieur Bitos. À vrai dire, je suis confus de vous imposer sa présence, madame. C'est un garçon très gentil, très estimable, certes, mais très simple. C'est le mécanicien de la place du marché. Ah, fais ça, mais je le connais comme ma poche, si j'ose dire. Je n'ai pas encore payé ma voiture. Et comme un bon commerçant, il doit avoir sur les dettes des idées infiniment plus strictes que les jeunes gens de votre monde. Vous voyez donc, mon cher, que sa place n'est pas ici. Mon cher Bitos, ce qui me plaît et m'étonne chez vous, c'est cette possibilité de contact avec tous les milieux. Vous nous dites que Fessard, qui est, il faut bien le dire, un homme très commun, est votre ami. Et d'autre part, on vous rencontre chez le président de Brême et au dîner de Lilla, qui sont ce qu'il y a de plus fermé dans le pays, et toujours aussi à l'aise. C'est un homme étonnant. Ah, nous ne buvons pas, mes amis, nous ne buvons pas. Mais pourquoi étonnant? Il y a des gens de cœur et d'esprit partout. Votre étonnement vient de ce que le véritable esprit démocratique vous est totalement étranger, mon cher Brassac. Je ne fais pour ma part aucune différence entre un mécanicien comme Fessard, s'il n'est pas bête, et un invité de madame la comtesse de Preuil. Qui n'est pas forcément bête non plus. Pas forcément. Ah, Bitos, on aurait intérêt à se mieux connaître. Chacun regarde l'autre de son bord. Peut-être tout s'arrangerait-il si on se connaissait mieux. Mais au fait, pourquoi cette fausse réputation de janséniste? C'est vous qui la cultivez? Nous nous sommes moqués de Robespierre tout à l'heure à cause de cela, mais je m'aperçois que votre cas est tout différent. Vous buvez fort bien. Une fois n'est pas coutume. On dit aussi que vous avez peur des femmes. Et moi, je vous ai rencontré une fois, à Clermont, en fort galant de compagnie. Niez-le. Vous m'avez peut-être rencontré en compagnie d'une dame. Ce n'est pas à première vue impossible, mais en fort galant de compagnie, comme vous dites. Suffit, Bitos. Entre galants d'hommes. J'ai compris. En tout cas, c'était une très jolie brune. Il faut bien connaître tous les milieux, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez dit. Mais je ne connais qu'une brune à Clermont, c'est Léa. Oh, mon cher Bichos. Compliment, c'est la femme la plus chère de la ville. Ne l'a pas qui veut. Je me suis laissé dire qu'au-dessous du grade de capitaine, elle refusait la garnison. Léa, cette enfant me tromperait-elle? Allons-nous devoir nous battre pour elle comme autrefois à la récréation? Sacré Bitos! Je croyais qu'une des lois de votre monde était la discrétion sur ces petites frasques, ne serait-ce que par égard pour les dames, attendant au moins d'être entre hommes. Messieurs, c'est Bitos qui nous rappelle au savoir-vivre. Et il a raison. Revenons à un sujet moins scabreux. Encore un peu de whisky. Je ne dis pas, non. C'est bon, ce coup de fumée. Et en somme, avec de l'eau, on ne le sent pas passer. Le whisky est la chose la plus inoffensive du monde. Charles, apportez-nous une autre bouteille. Savez-vous, mon cher, que c'est un alcool de céréales? Et quoi de plus sain que les céréales? Quoi de plus social? L'orge, le seigle... Le blé... Les colcoses. Notre pain quotidien. Le cognac, le vin, c'est louche. C'est le raisin. Et le raisin, c'est Bacchus. Oui. Et qui dit Bacchus, dit Dionysos. Et qui dit Dionysos, est déjà contre-révolutionnaire. Mais je ne vous soupçonnais pas cette culture, mon cher Brassac, j'en étais resté au cancre d'autrefois. Mais pourquoi diable Dionysos serait-il contre-révolutionnaire? Ben parce que Dionysos... C'est l'anarchie. Je vois qu'il y a bien des choses dans la conduite de ce monde qui ne vous ont pas échappé, mon cher. Mais c'est qu'il y a des hommes, mon cher Bitos, avec qui on comprend très vite qu'il y a tout intérêt à être franc. L'intelligence aussi est une internationale. Ne l'oublions pas. Je vous retourne le compliment, mon cher. Buvons encore un peu, Bitos. Et je sens que nous allons tout nous dire. On vous reproche toujours vos massacres, mais croyez-vous qu'à la réaction de Thermidor, quand de très musclés muscadins ont eu enfin le droit de massacrer du champ-culotte, ou après les 100 jours, à la Terreur Blanche, nous y avons été de main morte, nous aussi? Ah, vous l'avouez donc enfin. Officiellement, on n'avoue jamais rien. Vous ne le faites pas dire. Alors, pourquoi nous reprocher à la libération, compte tenu du chiffre accru de la population? Mais rien du tout. Mais rien du tout. En fait, nous ne vous reprochons rien du tout. Nous ne sommes pas des enfants. Les exécutions sommaires, c'est comme les boules. C'est un jeu français. Chez nous, on sait ça en naissant. Pardon. Là, je vous arrête. Nous avons toujours veillé, je veux dire en 93, à ce que les décisions du tribunal révolutionnaire fussent parfaitement en règle. Toujours deux signatures. Mais nous signons. Pour qui nous prenez-vous? On n'est pas des brutes. Deux, trois signatures, quatre s'il le faut. En France, on trouve toujours un général pour signer un décret ou pour refuser une grâce. Et si on n'a pas le texte de loi qu'il fallait, on le fait. Avec effet rétroactif, bien entendu. On a des manières. On tue soit, mais on y met des formes. Et seulement, que voulez-vous? Que ce soit chez vous ou chez nous, faut se faire à cette idée, mon bon. En France, on dîne de tête. C'est le plat national. La poigne. C'est le seul secret. Et pas besoin du gant de velours, vieille histoire. La main de fer suffit. Mais attention. Pour le bien du peuple. Et qui décide que c'est pour le bien du peuple? À nous. Ah, sacré Bito, s'il me plaît maintenant. Et homme d'esprit avec ça. Ah, vous êtes trop bonne, madame. Tout cela nous prouve, mon cher Bitos, que nous étions d'assez mauvaise foi tout à l'heure, tous. en accusant ce pauvre Robespierre qui, au fond, n'a tué que le strict nécessaire pour maintenir pendant son court passage au pouvoir une vieille tradition française. Messieurs, je vous propose un toast qui achèvera, je l'espère, de nous réconcilier avec notre ami Beatrice. À Robespierre, messieurs. Encore un peu de whisky, Beatrice, pour trinquer à Robespierre. Bien volontiers, je m'y suis fait maintenant. Et cette fois, que c'est? Vous savez ce que c'est, monsieur Bito? Eh ma foi, oui, petite madame. Que sec! Un Robespierre, messieurs! Un Robespierre! Arrête le jeu maintenant, Maxime. Ça m'a tourné mal. Tu es fou, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Il faut en tout cas tâcher d'obtenir de lui, tant qu'il est ivre, qu'il renonce à porter plainte contre le petit de la noue. Mon cher Bidos, dans cette atmosphère d'amitié retrouvée, je voudrais vous demander quelque chose. Je vous écoute. C'est au sujet de ce garçon que ce fou de Maxime n'aurait jamais dû faire participer à sa mauvaise farce. Une plainte contre lui peut avoir les conséquences les plus graves, vous le savez. Monsieur de Verdreuil, je vous estime. Je vous ai déjà dit que cette affaire me concernait seule. Il y va de la dignité de ma robe. Retirez-la, monsieur Bitos. Ma plainte. Votre robe, pour me faire plaisir. Je vous promets une récompense si vous renoncez à faire des ennuis à ce pauvre garçon. Et puis cela ferait du bruit dans Landerneau. Comptez sur moi pour ça. Pensez donc à un substitut qui pardonne. D'ailleurs, la mode revient au pardon, vous ne trouvez pas? Et le mouvement semble venir de Paris. C'est bien. Puisque toutes les dames le demandent, j'incline pour la clémence. Auguste! Auguste, quel Auguste? L'empereur, bien entendu, qu'allez-vous croire? Prends un siège, Cinna, et avant toute chose, nous avons appris ça ensemble chez les pères, mon tout bon. Nous avons votre parole, Bitos. Vous l'avez. C'est tort, d'ailleurs. La clémence envers les ennemis du peuple est un crime. Redonnez-moi un peu de whisky. Merci, monsieur Bitos. À moi de payer maintenant. Voilà. Oh, bravo! Vous êtes très bon. Mais oui, je suis bon. Personne ne veut croire que je suis bon, on me hait. Mais non, monsieur Bitos, on vous admire. Et on vous aime bien tous. On est toujours injuste avec moi. Et ça me fait mal. Tout me fait mal. Mademoiselle de Brême, votre père m'a chassé comme un voleur parce que j'avais osé demander votre main. Vous, madame, à ce dîner où vous m'avez convié l'hiver dernier, vous l'aviez vu que je m'étais trompé de fourchette. Hein ? Votre maître d'hôtel, en tout cas, l'avait vu. Et personne ne m'a averti. On m'a laissé me tromper jusqu'au bout pour que je n'ai plus que ma fourchette à dessert. Au moment où on a apporté la viande, on voulait que je sois ridicule. Vous, Maxime, c'est vrai que je vous portais vos affaires pendant les promenades pour que vous puissiez courir. C'est vrai que je m'étais fait votre valet, que je vous aimais. Mais vous m'avez toujours repoussé. Tout le monde me repousse toujours. Et pourtant, je suis bon. Je suis bon. Je ne ferai pas de mal à une mouche. C'est pourtant pas ma faute si j'étais un petit garçon pauvre. Vous ne preniez rien au sérieux? Et tout vous réussissait tout de même, toujours. Le monde des pauvres s'écroule si on ne prend pas tout au sérieux. C'est comme une gifle. Monsieur Bitos, il est tard maintenant et vous êtes fatigué. Vous ne voulez pas que Verdreuil et moi vous raccompagnions? Votre ami semble tarder. Merci, mes amis. Je vous demande seulement la permission d'aller me passer un peu d'eau sur la figure. Si tu laisses aller se dégriser, tout est perdu. Bitos! Vous venez de me faire de la peine. Il me semblait que nous nous étions expliqués et que j'étais redevenu votre ami. Non. Je n'ai pas d'ami. La poigne, c'est ma seule amie. Faire ce qui se doit durement, contre tous. Bitos, la fâcheuse aventure de ce soir aura au moins servi à quelque chose. Nous apprendre qui vous étiez. C'est d'individualité comme la vôtre que nous manquons. La connaissance exacte des hommes et le caractère. Vous avez dit le mot, la poigne. Si la France se relève un jour, ce ne sera pas par des systèmes, mais par des hommes. Tous ceux qui sont conscients du danger cherchent passionnément des hommes. Ils sont malheureusement rares. Oui, oui, les hommes sont rares. La jalousie et la haine sont partout. L'aveuglement aussi. Mais il y a autre part, pas très loin politiquement de vous, des hommes lucides, qui sont capables, eux, de jauger une personnalité exceptionnelle et de lui permettre de donner sa mesure. Vous savez que je fais partie de ce qu'on a appelé quelquefois le patronat avancé. Nous sommes quelques grands patrons en France pour qui la question sociale prime tout. Sans sentimentalisme, certes, mais avec une lucidité et une notion bien comprise de nos intérêts profonds et de ceux du pays, qui sont les meilleurs garants de notre bonne foi. Vos idées politiques, en somme, et celles du grand patronat dont je vous parle, sont presque les mêmes. Nos ressources sont immenses, mais nous manquons d'hommes. D'un homme. Je ne vous comprends pas très exactement, Brassac. Téléphonez-moi donc un matin à l'usine et nous prendrons rendez-vous pour bavarder de tout cela en déjeunant. Mais mes fonctions de magistrat m'interdisent. Mon bon, la magistrature, c'est comme le reste. C'est fait pour en sortir. Mais nous parlons de tout ça plus tard à loisir. Nous allons finir par ennuyer nos belles amies avec notre conversation sérieuse. Et ce soir, nous sommes là pour nous amuser. Mes amis, je constate que l'atmosphère de cette soirée est redevenue si amicale que j'ai peur que le dîner de Maxime, si nous le reprenons au point où nous l'avons laissé, ne nous paraisse un peu triste maintenant. Il y a dans notre misérable pays une boîte qui est encore ouverte. Si nous allions tous à l'Aigle Rose, le nouvel orchestre est, paraît-il, très bon. Oh, excellente idée. Ça, l'Aigle Rose, mais je me suis laissé dire que c'était une boîte très olé-olé. Je ne sais pas si je peux me permettre en qualité de magistrat. Mon cher, ils y sont tous. Mais il y a une règle tacite là-bas. Personne ne fait semblant de se reconnaître. Oui, je dois avouer que votre monde a mis au point un certain nombre de subtilités, bien agréables d'ailleurs. Monsieur Maxime, c'est un monsieur, ou plutôt un homme, qui dit qu'il doit voir Monsieur Bito. Oh, c'est fait ça! Tiens, chez moi, il va me demander de l'argent. C'est l'ami? Le fameux ami mécanicien? Oh, décidez-le à venir avec nous, Monsieur Bito. Il nous fera rire! Excellente idée! Faites-le venir! Non, mesdames, je ne veux pas. Sa présence vous serait certainement désagréable. Il est vraiment trop vulgaire. Dites-lui que je le remercie, mon ami, mais que tout est arrangé. Il vaudrait peut-être mieux que monsieur se montre en personne. Il a l'air très inquiet sur le sort de monsieur. Oh, mais mon Dieu, c'est absurde! C'est absurde! Un instant, mes amis, un instant! Je vais le renvoyer et je suis à vous! Ah, oh, c'est absurde! Fais ça! Superbe, c'est superbe. Ah, mon petit Brassac, c'est encore plus beau que tout ce que j'avais pu imaginer. Tu as du génie. Une sorte de génie, oui. Qu'est-ce que tu veux parier qu'il me téléphone dans 2 jours à l'usine pour me demander quand je l'invite à déjeuner? Et tu l'invites? Même pas. Alors c'est dit, on l'embarque pour l'Aigle Rose, le fils du peuple. Cette fois, moi, je me sens en verve, mon pied me démange. On n'aurait pas dû me le faire renifler, le Bitos. Il faut absolument que je tue du pauvre ce soir. Tu es ivre, Julien. Pas tout à fait encore assez, mais dans 2 verres, je serai au point. Maxime, je crois que cette fois, il faut que je rentre. Je ne vous suivrai pas là-bas. Vous avez raison, mon petit ange. Là-bas, cela va sûrement devenir ignoble. Je vous déposerai en passant. Non, je vais rentrer aussi, Maxime. Je déposerai avec toi. Je m'en doutais. Aux courses de taureau non plus, je n'ai jamais pu te décider à rester jusqu'à la fin. Mais je n'aime pas voir tuer. Monsieur le comte de Verdreuil, il a dû y avoir une petite interruption dans votre race. Quelques jeunes instituteurs sentimentaux et une grand-mère qui s'ennuyait pendant les chasses, précisément. J'étais étonné. Je le souhaite quelquefois. Voilà, mes chers amis, le paysan du Danube est reparti. Pauvre garçon. Il était venu avec son apprenti, tous les deux armés jusqu'aux dents et prêt à vous sauver la vie. C'est qu'il ne voulait pas s'en retourner. C'était impayable. Il n'arrêtait pas de dire... Mais vous êtes sûr que vous ne risquez rien, monsieur Vito? Tout au plus une forte cuite. Ou une aventure. Vous savez qu'elle vous a sérieusement remarqué, la petite Amanda. Et je m'y connais. Maxime n'a qu'à bien se tenir. Femme facile? Quand on lui plaît. Il y en a donc dans votre monde. Pour ceux qui savent les prendre comme vous, farceurs, il y en a partout. Allons, mes amis, vite! Nous allons prendre les quatre voitures. Charles! Les vestiaires! Vive la nuit, petite madame! C'est curieux, je n'ai pas l'habitude de veiller et je m'aperçois que la nuit, la vie n'est pas la même, tout semble plus facile. J'ai méconnu la nuit. Passez, mesdames! Mon cher Maxime, un accident stupide. C'est très ennuyeux car ce costume avait été prêté par le théâtre municipal. Je ne sais pas quels efforts j'ai pu faire, je crois bien que j'ai craqué le fond de ma culotte. Oh! Oui, oui, c'est bien ça, c'est absurde. Je ne vais pas pouvoir... Allez avec vous, là-bas. Oh, y pensez-vous, Charles. Monsieur. Il s'agit de recoudre le fond de culotte de Monsieur Bito, ce qui a craqué. Discrètement, hein? Je compte sur vous. Je ferai de mon mieux, Monsieur Maxime. Nous allons vous attendre dans les voitures, Bito. Encore un peu de whisky pour supporter l'opération? J'exagère ce soir. J'exagère. Tout cet alcool, ce cigare... il y a certaines nuits où, si loin qu'on aille... On n'exagère pas. Faites vite, Charles. Aussi vite que je pourrai, monsieur. Voilà, si monsieur voulait avoir la bonté de retirer son pardessus, ça serait plus commode. Voilà. Je suis très ennuyé pour ce costume. Je l'avais emprunté au théâtre municipal. Ils m'ont d'ailleurs fait verser un dépôt très exagéré. Je me demande s'ils vont me le rendre. Évidemment, avec la couture... Monsieur pourra toujours leur faire remarquer que le fond était très mûr. Oh, en fait, ils m'ont filouté une vieille plure et ils m'ont loué ça à un prix exorbitant. Mais il m'allait bien, n'est-ce pas? Monsieur avait beaucoup d'allure là-dedans. Que monsieur m'excuse, mais si monsieur voulait me tendre le postérieur de monsieur, cela me serait plus facile pour coudre. Comme ça? Merci, monsieur. Exactement comme ça. L'étoffe se trouve en quelque sorte soutenue, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Bito? Mademoiselle Debray, c'est indigne. Oh, je vais demander un petit service au valet de chambre de monsieur Jocourt. Un accident stupide, j'ai craqué le fond de ma culotte. C'est indigne de m'avoir espionné pour vous moquer de moi. Je voulais vous parler, monsieur Bito. Après ce qui s'est passé cet après-midi chez monsieur votre père, nous n'avons plus rien à nous dire, mademoiselle. D'ailleurs, vous auriez pu me parler là-bas. Vos amis nous attendent. Je ne vais pas là-bas. Et j'aurais voulu vous parler sans eux. Charles, voulez-vous nous laisser 2 minutes? Ce que j'ai à dire à monsieur Bito sera très vite dit et vous pourrez venir achever votre petite réparation. Bien, mademoiselle nous rappellera. Il ne faut pas aller là-bas avec eux, monsieur Bito. Cela vous regarde? Oui. Ils sont en train de se moquer de vous, encore. Je ne suis pas assez grand pour le voir tout seul, si cela est. Non, je ne le crois pas. Vous me prenez pour un imbécile, pour un jobard. Je ne vous aime pas, monsieur Bito. Et c'est pourquoi la demande que vous avez cru pouvoir faire cet après-midi à mon père était de toute façon irrecevable. Votre père m'a jeté dehors comme un voleur. Je vous demande pardon de ce qu'a fait mon père. Si vous m'aviez parlé à moi... Je vous aurais simplement fait comprendre que vous vous étiez trompé et que je ne pouvais pas vous aimer. Pour des raisons de fille qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes dans le monde. Vous savez, il y a eu beaucoup de filles qui ne croyaient pas pouvoir devenir la femme d'un garçon et qui le lui ont dit. Et il y en aura encore beaucoup. Ce sont de petites blessures qui s'oublient. N'allez pas avec eux ce soir, monsieur Bitos. Ils vont vous faire d'autres blessures dont vous ne guérirez pas aussi facilement. C'est pour s'amuser de vous qu'ils vous emmènent. Suis-je donc si drôle? Il faut me croire vite, monsieur Bitos. Nous avons très peu de temps. Ils ne vous ont flatté que pour vous perdre. Ce que vous propose Brassac, ce n'est probablement qu'un jeu pour vous faire faire une imprudence. Mais même si cela était vrai, ce serait indigne. Qu'en savez-vous? Je ne vous aime pas, monsieur Bitos. Je ne pourrai jamais aimer un homme comme vous. Mais je crois qu'il y a une sorte de courage et de rigueur vraie en vous. N'allez pas dans cette boîte de nuit avec eux boire encore. D'abord, vous ne savez pas boire. Vraiment ? N'allez pas avec eux pour vous faire moquer de vous. Faire des ronds de jambes que vous réussissez très mal chez Elila. Restez vous-même. Restez pauvre. La seule chose de vous que j'aurais pu aimer, si j'avais pu vous aimer, c'est précisément votre pauvreté. Mais c'est comme toutes les choses précieuses, c'est très fragile, la pauvreté. Gardez la vôtre intacte, monsieur Bitos. Et n'oubliez jamais que sur vos armes, il y a les deux bras rouges de votre maman, croisés. C'est bien. Je vais sortir par la porte de la cuisine. Je vous remercie, mademoiselle, de cette petite leçon. Vous m'avez en effet évité un faux pas. Mais si je peux me venger de vous tous un jour, c'est par vous que je commencerai. Pauvre Bitos. Bitos ou le dîner de tête de Jean Anouilh. Michel Bouquet jouait Bitos et Robespierre. Paul Bisiglia, France Delanoux. Jo Charrier, Joseph. François Chaumette, Julien et Danton. Philippe Derez, Vulturne et Mirabeau. Monique Gérard, Lila. Jacques Lalande, Philippe et le Père Jésuite. Jean-Pierre Leroux, Deschamps et Camille Desmoulins. Pascal Mazzotti, Charles. Roger Mollien, Maxime et Saint-Just. Henri Poirier, Brassac et Tallien. Colette Ripert, Amanda et Madame Tallien. Annie Sinigalia, Victoire et Lucille Desmoulins. Bruiteur, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Guy Senot. Collaboration technique, Philippe Bouillette. Assistant de production, Michel Bossuet. Mise en scène, Bronislav Horowitz.